description sur www.marathon06.com. Le marathon des Alpes-Maritimes Niscane, dimanche 13 novembre avec RMC. Sur la météo maintenant sur RMC, la météo de votre week-end avec Christine Peña. Bonjour Christine. Bonjour François et bonjour à tous. Pas terrible cette météo pour aujourd'hui, ça va s'arranger demain dimanche. Alors aujourd'hui, on a toujours cette vigilance orange pour orages violents dans le nord-est, toujours sur l'Alsace, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, la Lorraine, l'Allier aussi, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône. Des averses qui seront surtout donc sur ces régions du nord et du nord-est toute la journée. Là où le ciel va s'éclaircir, où ça s'arrange, c'est par l'ouest quand même. Même du Sud-Bretagne jusqu'à la Gironde. Le Limousin également, vous verrez un soleil assez généreux cet après-midi. Le soleil persiste sur le pourtour méditerranéen avec un bémol quand même entre la Provence et les Alpes-Maritimes où les nuages seront assez nombreux à circuler et le risque d'orage sera présent pour l'après-midi. Les températures, elles sont encore d'un bon niveau en Méditerranée avec 30-33 degrés attendus, 30 à Toulon, 33 à Marseille. En revanche, elles chutent, c'est le fait marquant. On va perdre 8 degrés par exemple sur Paris. On va perdre 8 degrés en général à l'ouest du pays avec il fera 19 donc à Lille, à Aurillac, 18 à Brest, à 20 à Paris, à Nantes, à Rennes, à Tarbes et 22 du côté de Biarritz. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Dès 14h, intégrale UEFA Euro 2016, avec à 15h, Suisse-Pologne, à 18h, Pays de Galles, Irlande du Nord, et à 21h, Croatie-Portugal. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. C'est RMC, bonjour à tous, il est 6h et à 6h toute l'actualité c'est avec Claire Checalini. Bonjour Claire. Bonjour, le Royaume-Uni plus que jamais divisé et des milieux économiques qui s'inquiètent, le Brexit fragilise toute l'Union Européenne. Alors ce vote historique peut-il avoir un effet domino? Certains l'espèrent, d'autres le redoutent. Le positionnement des institutions européennes devrait être décisif. Rugby, l'espoir du Racing 92 qui soulève hier soir le bouclier de Brennus. Les Franciliens ont battu Toulon en finale du top 14, 29-21. Le Royaume-Uni coupé en deux. D'un côté, le sud du pays qui a majoritairement voté pour le Brexit, à l'exception de Londres. De l'autre, le nord, favorable au maintien dans l'Union. En Angleterre, on se réjouit donc des 51,9% obtenus par le camp du Brexit. À Peterborough, Peterborough est la deuxième ville la plus eurosceptique d'Angleterre, avec ses 199 000 habitants. Isabelle fait partie de ces habitants de Peterborough. Elle a voté pour la sortie de l'Union européenne sans aucune hésitation. Le pays coule car il y a trop d'habitants. C'est impossible de gérer le nombre d'immigrés qui, année après année, viennent s'installer au Royaume-Uni. On ne peut pas laisser faire ça. En dehors de l'Union européenne, nous allons donc pouvoir décider nous-mêmes qui a le droit d'entrer au Royaume-Uni. C'est surtout des personnes diplômées dont on a besoin. Et je ne pense pas que nous resterons les seuls à avoir organisé ce référendum. Les prochains seront les Pays-Bas et l'Italie, j'en suis sûre. Isabelle, une Anglaise pro-Brexit, rencontrée par l'envoyé spécial de RMC à Peterborough, Benoît Ballet. Mais si les partisans du Brexit se frottent les mains, les milieux économiques s'inquiètent. Hier, toutes les places financières européennes ont chuté, moins 12% à Milan et Madrid, moins 8% à Paris, moins 6,8% à Francfort. Les entreprises françaises restent donc dans l'incertitude face à ce Brexit qui rebat les cartes des règles du marché entre la France et son cinquième partenaire commercial. Barnabé Weser est PDG d'une société de nettoyage et de décoration en bâtiment. Ses clients outre-Manche sont vitaux pour son entreprise. C'est le pays où on fait le plus de chiffre d'affaires après la France. Le Royaume-Uni, ça représente à peu près 10% de notre chiffre d'affaires. Avec ce changement, écoutez, c'est déjà beaucoup d'incertitudes parce que personne n'est préparé à un tel coût. C'est-à-dire que les clients qu'on va facturer sur l'Angleterre, on les facture en pende. Et la livre ayant chuté de 10% en quelques heures, forcément, ce qu'on va encaisser sera plus faible que ce qui était prévu. Et puis ensuite, on n'est pas à la merci de réglementations accrues, de taxes douanières, pour finalement continuer à vendre nos produits en Angleterre. Barnabé Weser avec Anaïs Denet. Alors se pose désormais la question de savoir si ce Brexit pourrait faire tache d'huile en Europe. Pourrait-on voir prochainement une sortie des Pays-Bas, du Danemark, voire même de la France, de l'Union européenne? Pour Sylvie Matteli, directrice adjointe de l'IRIS, tout va dépendre de l'attitude des institutions européennes à l'égard de Londres. le risque va être de céder sur un certain nombre de dossiers et finalement de d'accorder un certain nombre d'avantages au Royaume-Uni. Et il est clair que si on va trop loin dans cette négociation à l'avantage du Royaume-Uni, eh bien, très logiquement, vous avez un certain nombre de pays qui vont se poser la question, mais pourquoi pas nous ? Et qui vont peut-être être tentés par une sortie eux-mêmes pour obtenir le même type de situation. Et puis François Hollande reçoit cet après-midi les principaux responsables des partis politiques avant de dîner avec Matteo Renzi, le chef du gouvernement italien. Quant aux ministres des Affaires étrangères des pays fondateurs de l'Europe, ils ont eu rendez-vous à Berlin pour un premier sommet d'après-Brexit. Le chômage de nouveau à la hausse après deux mois consécutifs de baisse. En mai, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 0,3%, un chiffre qui se monte à 0,9% pour les jeunes. Deux hommes abattus dans leur voiture et une adolescente de 14 ans qui se trouvé à proximité, grièvement blessé. Bilan du nouveau règlement de compte hier soir dans les quartiers nord de Marseille. Les précisions sur place de notre correspondant Stéphane Burgat. Le ou les tireurs armés de fusils d'assaut de type Kalachnikov ont ciblé et tué deux hommes âgés d'une vingtaine d'années. Ils étaient tous les deux dans leur voiture au pied d'un groupe d'immeubles Cité Consola, à quelques mètres à peine de l'hôpital Nord de Marseille. L'identité des victimes n'a pas été divulguée, mais ils seraient tous les deux connus des forces de police dans des dossiers de stupéfiants. Et au moment de l'assaut, une adolescente a été victime d'une balle perdue. Elle était assez éloignée du lieu du drame. Âgée de 14 ans, elle est grièvement blessée, mais des informations contradictoires circulent quant à son pronostic vital. Et si le décompte macabre se poursuit, il s'agit là des 15e et 16e morts par balle dans la région marseillaise depuis le début de l'année. 20 ans de réclusion criminelle pour Fabienne Cabou, cette mère qui avait tué son bébé de 15 mois sur la plage de Berck. Les jurés des assises du Pas-de-Calais sont donc allés au-delà des réquisitions du procureur qui réclamait une peine de 18 ans. Mais pour l'avocate de l'accusée, Fabienne Roy-Nancion, la place de sa cliente n'est pas derrière les barreaux. Il est que la cour, dans son ensemble, était sur une peine extrêmement lourde. Je continue à dire que cette femme n'a pas forcément grand-chose à faire dans un prétoire de cour d'assises. Elle est un peu abasourdie pour l'instant. Moi aussi, hein, c'est une décision, on la respecte. Une cour d'assises a rendu un arrêt. On fait des hypothétiques solutions, on envisage l'appel. Je vais pas être déçu ou pas être déçu par une décision de cour d'assises. Oui, j'aurais bien aimé ne pas dépasser les réquisitions de l'avocat général. Oui, j'aurais été particulièrement satisfait d'une peine de 15 années de réclusion. Mais à nouveau, justice a parlé. RMC 6h05. Rugby, un match intense, une équipe réduite à 14 joueurs dès la 18e minute de jeu et finalement la victoire pour le Racing 92 qui jouait la finale du top 14 face à Toulon. Résultat 29-21, un sixième bouclier de Brennus pour les Franciliens qui ne l'avaient pas porté depuis 26 ans. D'où l'immense fierté bien sûr de Jackie Lorenzi, le président du club. Fier pour mes joueurs, fier pour mes coachs, fier pour mes supporters, fier pour le club. La route était longue parce qu'on a choisi de la faire en côte, hein, c'est-à-dire qu'on a choisi de fonder le Racing, de jouer sur le long terme, de mettre des fondations, c'est-à-dire le clubhouse, l'aréna qui va arriver l'année prochaine est exceptionnelle. Donc voilà, tout ça est construit. Alors ça demandait un peu plus de temps que prévu, mais bon, on va voir l'année prochaine si on digère bien ce titre et cette finale et si on continue à exister au plus haut niveau, c'est notre but. Et côté toulonnais, bien sûr, la défaite fut plus compliquée à encaisser. Vérification avec Florent Germain. Oui, 7000 supporters rouges et noirs qui ont vibré et ont cru avant une défaite dure à encaisser. Stéphanie Spikrine de Mayol. Ils ont un peu baissé les bras quand le Racing a monté, mais ils les ont encouragés jusqu'à la fin. Et c'est ça, on a les meilleurs supporters. Des supporters toulonnais qui ont quitté le stade avec deux sentiments mitigés entre désillusion vu le scénario et fierté d'être encore arrivé en finale. On y a cru, hein, surtout à partir du carton rouge, mais je sais pas pourquoi. Fier de notre club, ils sont allés en finale malgré la saison difficile. Fier de notre club, fier. On leur dit merci parce qu'ils sont en finale et parce que Toulon. Le mot de la fin pour Stéphane qui était là avec son fils. Beau joueur, il félicite le Racing et salue la dernière de Bernard Laporte. On a vécu de très très belles années avec Bernard Laporte. On a eu plein de titres. C'est dommage, on aurait pu en ajouter un cinquième ce soir. Mais bon, bravo aux Parisiens qui ont été meilleurs que nous ce soir. L'Euro J-1 avant France-Irlande. Hier, les Bleus sont arrivés dans le Rhône pour un ultime entraînement. Avant ce huitième de finale, les hommes de Didier Deschamps pensaient qu'ils affronteraient l'Irlande du Nord, mais ce sont finalement leurs voisins du Sud contre qui ils joueront. Une situation dont Guy Stéphane, l'entraîneur adjoint des Tricolores, a su s'accommoder. Trois jours, ça compte dans une compétition. D'être qualifié plus tôt, oui, ça nous amène un peu plus de récupération, mais il faut se méfier quand même. Il y a des exemples par le passé où des équipes avaient eu beaucoup de temps pour se préparer et c'est pas pour ça qu'elles ont été plus performantes. Mais c'est vrai qu'à choisir, on préfère avoir trois jours de plus. Et puis à suivre dès aujourd'hui sur RMC, 3 huitièmes de finale. À 15h, la Suisse qui affronte la Pologne. À 18h, le Pays de Galles qui joue contre l'Irlande du Nord. Et à 21h, le choc Croatie contre le Portugal. Vous écoutez RMC, 6h, passé de 8 minutes. Les experts pour votre jardin avec François Sorel tout de suite. Mais avant tout, un détour par les champs de course, François. Oui, bonjour Claire. Bonjour. Avec un tiercé quarté quinté plus cet après-midi à Compiègne. Et Sébastien Darras est confiant avec la Samir et le 4 Brave Impact. Brahim Asloum se méfie du 7 Mo Green. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 11 Versaline et le 5 Invilino. Nous avons donc le 4, le 7, le 11 et le 5. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Il est 6h09, c'est RMC, bonjour à vous toutes et à vous tous. Et c'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve en ce samedi 25 juin 2016. Nous allons passer ce week-end ensemble, en tout cas une partie, vous le savez, le matin, 6-10. Avec les meilleurs experts qui m'accompagnent demain dimanche, les animaux, l'automobile, Laetitia Barlerin et Jean-Luc Moreau qui seront là, bien évidemment. Tout à l'heure, la maison avec Christian PC, le bricolage, la maison, la déco n'a aucun secret pour lui. Et Christian, tout à l'heure, nous parlera d'insectes dans la maison. Et c'est vrai qu'avec la pluie, la chaleur, l'humidité, c'est un peu la fête des insectes en ce moment, et notamment des moustiques. On en parlera tout à l'heure avec Christian, comment s'en débarrasser et puis comment prévenir aussi peut-être l'arrivée de ces bébêtes dans la maison. Si c'est possible, bien sûr. Ce sera tout à l'heure entre 8 et 10 et puis bien sûr toutes vos questions bricolage maison déco dans la foulée. Mais pour débuter en ce samedi matin, il est à mes côtés. C'est vrai que c'est la fête au jardin en ce moment. Il faut en profiter. Et Patrick Mulan m'accompagne jusqu'à 8h comme chaque samedi. Bonjour Patrick. Bonjour François, bonjour à tous et très bienvenue au jardin où nous avons pas mal de moustiques, il faut bien le dire aussi. Ouais. Bah, les conditions climatiques sont étaient subtropicales quand même cette semaine. Ah, parce oui, que oui, vous là, aviez là... une montée en température avec une énorme humidité. On peut dire que c'était un peu n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on est passé d'un coup à 30-35, c'était la canicule et... 24 heures après, on avait perdu 10 degrés minimum. Non, mais même l'inverse, parce que lundi, moi j'étais au parc Terra Botanica, d'ailleurs que j'invite tout le monde à aller visiter à Avrillé, dans la banlieue d'Angers. C'est un endroit magnifique, mais vraiment très très intéressant pour ceux qui aiment les jardins. On avait 17 degrés, avec de la pluie pratiquement constante. Et puis 17, c'est pas énorme. Mais mercredi, on avait 30. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, c'est vrai que pour le jardin, enfin moi sur ma petite terrasse ça va. Hein, en ce moment c'est plutôt fait, pas mal. Ça fait pousser. Alors donc ça effectivement, il va falloir gratouiller un petit peu partout pour composer avec les herbes sauvages envahissantes, comme on dit aujourd'hui. On parlera de tout ça tout à l'heure puisque bien sûr on aura notre rendez-vous de la météo du jardinier. Oui. Voilà les conséquences de ce temps. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? On fera le point avec vous et vous nous donnerez tous vos conseils, Patrick. Les conseils de Patrick dès maintenant, hein, vous pouvez l'appeler en direct, bien sûr, le 3216 est à votre disposition, ou jardin@rmc.fr. Et puis en deuxième partie, on va évoquer les plantes aromatiques et médicinales, Patrick. Voilà, alors on va se faire plaisir avec ça parce que, notamment les plantes médicinales, on a tendance à penser que ça vit sauvage, qu'on les cultive pas, etc. Or... on peut très bien les cultiver au jardin et même sur le balcon. Donc on va se faire une petite sélection à la fois d'aromatiques et de médicinales qui d'ailleurs sont souvent un peu les mêmes. Oui. Hein, parce que d'accord. Dès qu'il y a arôme, bah, il y a propriété. Et donc on va voir tout cela. Alors comment les cultiver? C'est encore le moment. Hein. On a pris tellement de retard dans la saison qu'il faut pas hésiter à aller dans les jardineries aujourd'hui pour se faire encore son petit marché et transformer son jardin. Donc là on se fera plaisir aussi bien sur le balcon que dans le jardin. Et nous aurons entre autres une experte en plantes aromatiques et médicinales. On évoquera aussi bien évidemment leurs propriétés, hein, j'imagine. Voilà. Ah bah je pense que vous aurez des questions là-dessus. Hein. Non, mais n'hésitez pas non plus, hein, si vous avez des questions sur le sujet, vous appelez et on vous rappellera pour participer à cette deuxième heure. Pour nous joindre, je vous le rappelle, le 3216 de standard, Amina vous attend, ou bien le mail jardin@rmc.fr. On est ravis d'être avec vous. Bon réveil à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour ce week-end des experts et on ouvre le bal avec Michel qui est là. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. Je vous écoute. Bon, voilà, écoutez, j'ai un problème avec mon cerisier. Oui. Alors, d'habitude, chaque année, j'ai beaucoup de cerises, étant marié, un cerisier qui a une vingtaine d'années. Cette année, rien du tout, mais ce qu'il y a surtout, c'est que toutes les feuilles, elles sont percées comme de la dentelle. Oui, mais alors, c'est pas grave, ça. Ah bon? Non, c'est spectaculaire, mais c'est vrai qu'on a eu cette année, alors je pense que c'est lié, entre autres, à l'humidité peut-être, mais il y a vraiment une recrudescence extraordinaire d'attaques de chenilles que l'on ne voit pas d'ailleurs, hein, aussi bien oui, sur, on les voit alors, pas, sur les cerisiers, sur les noisetiers, même sur oui. Les charmilles, etc. Mais comment se fait-il qu'on ne les voit pas? Parce qu'elles sont, elles sont nocturnes. Elles n'agissent que pendant que nous dormons. Donc, dès que le jour se lève, hop, elles disparaissent, voilà. Soit mais elles sont où la journée? Alors, soit ça redescend dans le sol, soit ça se planque vraiment quand c'est tout, des toutes petites choses, vraiment à l'intérieur. D'accord. Ou alors, parfois, elles se transforment aussi rapidement en imago, hein, c'est-à-dire en papillon. Certaines d'ailleurs ne sont pas exactement des chenilles. Il y a des kématobies qui ne sont pas des chenilles mais qui ressemblent. Enfin, donc il y a plein de ces petits insectes. C'est lié aussi, hein, il faut le dire, parce que moi j'ai pas peur de le dire, à la politique actuelle de se dire eh ben écoutez, on fait plus rien, on ne traite plus, tout va se passer pour le mieux dans le meilleur des mondes. Parce que c'est comme ça qu'on voit la politique se développer aujourd'hui, c'est comme ça qu'on nous retire tout ce que l'on avait de la panoplie du jardin, on n'a plus rien. Donc en fait, et comme en plus la plupart des gens maintenant, bon, c'est gentil tout ça, c'est bien d'avoir une sensation d'être biologiste, d'être naturaliste, de vouloir protéger l'environnement, etc. Ok, mais on a quand même, je dirais, des jardins avec des volontés de produire ou d'avoir des choses que l'on veut conserver. Et je pense que de temps en temps, il faut aussi pouvoir les protéger. Bon, ça c'est mon avis. Je sais que c'est pas partagé par tout le monde. On se bagarre très souvent là-dessus, mais voilà. Donc le problème là, sur cette année, je pense qu'il faut faire. De toute façon, faut tirer un trait pour des raisons multiples et notamment. Pour des raisons climatiques qui ont été catastrophiques depuis le début du printemps. Reste que, ne vous inquiétez pas si certaines années, vous n'avez pas de cerises. C'est la même chose d'ailleurs sur les pruniers, c'est la même chose sur les abricotiers, et notamment donc la plupart des arbres à noyaux, qui sont des plantes soumises à ce qu'on appelle l'alternance. Lorsque vous avez une très forte production une année, très souvent, la plante se repose une saison ensuite, donc elle donne beaucoup moins. Alors, ce que l'on peut faire pour éviter ce phénomène, c'est pas facile sur un cerisier, c'est de faire un éclaircissage. C'est quand on voit que vous avez, au départ de la formation des fruits, énormément de fruits, eh bien, c'est d'essayer d'en éliminer quelques-uns avec un petit couteau, mais bon, sur un cerisier, c'est un travail de Romain, donc il vaut mieux accepter qu'il y ait des années avec et des années sans, et puis la plante s'en sort beaucoup mieux. Mais bon, concernant vos chenilles, donc il y a pas péril en la demeure. Qu'est-ce qu'il faut faire? On fait rien. De toute façon, d'abord c'est trop tard. Sinon, il y a effectivement pour les chenilles. Bouillie bordelaise ou non. Alors stop tout de suite. Hein. Bouillie bordelaise est un fongicide, c'est-à-dire c'est un produit qui lutte contre les maladies cryptogamiques. Ça ne fait strictement rien, mais vraiment rien du tout pour les attaques d'insectes. Non, il y a un produit biologique qui s'appelle le Bacillus thuringiensis, donc le BT, que l'on trouve couramment maintenant dans les jardineries et qui va continuer à être autorisé parce que lui il a pas d'impact quasiment sur l'environnement et qui est spécifique sur les chenilles. Alors ça traite aussi bien les chenilles arpenteuses, les chenilles bonomeutes que l'on a sur les arbres fruitiers que par exemple les pyrales du buis dont on a aussi des gros problèmes. Donc ça c'est vraiment le type de produit qu'on utilise, mais il faut l'utiliser au tout début des attaques parce que l'action demande 3-4 jours pour être efficace. À quel moment il faut l'utiliser? Faut l'utiliser dès que vous commencez à avoir un ou deux trous dans les feuilles avant qu'elles soient complètement ravagées. Là, à ce moment-là, vous pulvérisez ce produit. Et en fait, c'est une bactérie qui développe une toxine qui va faire en sorte que la chenille ne s'alimente plus. Ah oui. Donc ça le bloque, ça agit sur son système digestif. D'accord. Donc rapidement, elle s'arrête de manger et en 3-4 jours, elle meurt. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est pratique. Alors l'avantage qu'il y a sur ce genre de produit-là, c'est que ça n'affecte pas du tout les insectes qui font pas partie des lépidoptères. Donc par exemple les abeilles, qui sont des hyménoptères, vous pouvez traiter au BT, ça les embête pas. Ah d'accord, donc c'est vraiment du ciblage, on va dire. C'est du ciblage, et c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus. Voilà. C'est un peu comme un sniper. Allez, 6h18. Chenille par chenille, c'est ça. Mesdames, messieurs, François Sorel est un sniper de chenille. Et lui, il le fait à la fléchette en plus, parce qu'il est très adroit. Oui, c'est ça. Bon, vaut mieux pas être à côté. Hein. Là, vaut mieux s'écarter et laisser faire. Il est 6h19, on revient dans un instant et on poursuit avec vos questions en direct ce matin. Vos questions jardin, vous êtes les bienvenus. Le 32-16, jardin@rmc.fr, à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. Chaque samedi, RMC PMU.fr présente les courses RMC. De 13h à 14h, une heure avec les experts de la Dream Team RMC pour en savoir plus sur les courses hippiques du week-end. Tout à l'heure, 13h, 14h, les courses RMC, le rendez-vous des parieurs hippiques uniquement sur RMC avec PMU.fr. PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, jusqu'à 8h, votre jardin. Votre jardin. Patrick Mulan, François Sorel. Nous sommes de retour. C'est RMC, il est 6h20. Un bon réveil. Merci d'être là et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Et on salue tous ceux qui travaillent en ce samedi matin. Patrick, dans quelques instants, on retrouvera Christine Peña pour la météo, Claire Chicaghini pour les infos. Tout à l'heure, la météo du jardinier, ce sera dans une vingtaine de minutes. Vous avez jeté un œil sur les cartes de Météo France pour la semaine qui vient. Oui. Alors ça dépend où on est. Bah c'est toujours oui. Oui, c'est sûr. Là on est dans au sud ça va et au nord c'est moins bien, voilà, c'est ça. Exactement. Hein, voilà. Ah. J'ai l'impression d'entendre la même chose toutes les semaines. Non mais François est un ingénieur de Météo France. Non, plutôt un observateur de cartes. ça sera tout à l'heure, mais d'ici là, on poursuit avec vos questions et on accueille avec plaisir Annie. Bonjour Annie. Oui, bonjour messieurs. Bonjour Annie, bienvenue. Bienvenue. Merci. On a eu un coup de vent cette nuit, à 3h du matin, c'était effroyable. Hein. Ah oui? Oui, dans les roues là. Hein. Mais avec un orage? Non, juste du vent. Juste du vent qui a fait tout claquer, voilà. Tiens. Ben ouais, mais vous avez remarqué que le temps est un peu bizarre quand oui, même. Hein. C'est vraiment changeant. Ouais. Voilà, donc moi, mon petit problème, c'est que je me suis offert une belle fleur, une bignonne. Oui. Et rouge, et flamenco. Alors j'ai le nom Comsis. Oui, tout à fait. Comsis, c'est le nom botanique voilà, de la bignonne. Voilà. Donc j'ai aucune explication derrière. Quoi qu'il faut mettre au soleil, etc. Et donc, je voudrais avoir vos conseils parce que pour l'instant, elle ne fleurit pas. Par contre, il me semble avoir vu deux bébés boutons. J'espère que ce ne sera pas des feuilles. Non, mais vous l'avez planté quand? Mars, avril. Oui, mais dites donc, vous êtes drôlement exigeante parce que d'abord, ça fleurit plutôt en été, donc c'est normal. Oui, c'est normal que c'est pas fleuri tout de suite. En plus, quand on achète une jeune plante, bah souvent la première année, elle s'installe tranquillement. Il faut attendre qu'elle se développe. Et une bignonne, c'est quand même une plante grimpante de grande taille. Donc, je dis pas qu'elle va pas fleurir cette année, mais il faut pas s'attendre à grand chose cette année. Donc, si vous commencez à avoir des petits boutons, bah ça se voit très bien sur une bignonne. Les boutons, ça ressemble à des espèces de petits losanges ou de petits ovales qui commencent à pointer. Oui, mais là, non, mais tout va très très bien là, Annie, parce que vous allez rentrer dans la saison de floraison de la bignonne. La belle floraison, c'est juillet-août sur ces plantes-là, donc il n'y a pas de problème du tout. D'accord. Donc une bignonne, c'est une donc grimpante très costaud, feuillage caduc et puis grande fleur en trompette qui exige quand même un ensoleillement important. Plus elle sera ensoleillée et plus elle sera florifère. Ça c'est une certitude. Après, bon, c'est une plante qui réussit très très bien dans les sols un peu calcaires. On en voit notamment dans la région en Touraine qui sont des merveilles absolues. Voilà, il faut laisser quand même le temps au temps parce qu'une bignonne va être très très très belle à partir de 5-6 ans de plantation et avec une apogée vers 10, 15, 20 ans là où elles seront absolument sublimes puis après ça redescend un petit peu. C'est une plante, vous en avez, oui, elle va vous durer 20 à 30 ans facilement. J'ai des fourmis qui qui se mettent dessus. Parce que vous avez quelques... Il doit y avoir quelques pucerons qui se baladent quelque part. Et je sais, non, je ne vois pas de pucerons, mais je me semble que ce sont des cochenilles. Alors, si vous avez des cochenilles, idem, parce qu'en fait, les fourmis, elles viennent chercher... Le miella de ces insectes piqueurs-suceurs, que ce soit des cochenilles, des pucerons, des trips, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Toujours votre mixture, là Alors, bon, sur la binone, on peut le faire, d'ailleurs. Bon, moi, j'ai fait un traitement qui est à base de savon noir, huile, etc. Ça, vous pouvez trouver sur l'internet facilement. Vous allez, vous mettez anti-cochenille Miu Miu et vous allez voir... Vous allez trouver une vidéo, vous allez trouver un article et tout ça qui vous explique tout en détail. Et l'arrosage, beaucoup, non? Sur une binone, beaucoup, non. C'est-à-dire beaucoup que, normal, quoi. Voilà, normal. Dans la région méditerranéenne, quand vous avez des fortes chaleurs, il est valable, même utile, de l'arroser. Alors, moi, ce que je conseille, notamment pendant, on va dire, les 2-3 premières années suivant la plantation, c'est surtout s'il a fait très très chaud dans la journée, c'est de doucher la plante le soir, hein, juste avec un tuyau d'arrosage et un pistolet. Allez, on douche, on appelle ça bassiner, nous, les jardiniers. On douche le feuillage de manière à ce que ça, on va dire, remodifie, remotive la plante, un petit peu, à la revigore. Voilà, c'est... 6h24, merci Annie pour votre appel. On enchaîne avec Chris qui nous appelle au 32-16. Bonjour Chris, Madame bonjour Chris. Bonjour François, bonjour Miu Miu. Bonjour Chris, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que j'ai un chêne bicentenaire, au moins il fait 2 mètres de diamètre, un grand chêne. Et il a un lierre qui pousse depuis le pied. Alors le lierre, il est vraiment contre le tronc et il monte jusqu'en haut, même sur les branches et tout. Alors que faire? Est-ce que c'est bon, pas bon? Bon, si votre chêne est un arbre très vigoureux, déjà très ancien, etc., normalement, bon, ce lierre, il n'a pas dû pousser en 2 jours, donc il y a eu, on va dire, un gentleman agreement entre les deux, et ça tient le coup. Toutefois, il faut quand même bien dire que le lierre peut finir par envahir tellement son support qu'il peut finir par l'étouffer plus ou moins. Donc, si vous voulez plutôt protéger le chêne, ce que je comprendrais tout à fait, l'idéal, ça serait tout simplement de trancher les tiges du lierre dès le pied, en fait, hein, pour pouvoir libérer l'arbre de cela. Parce que une fois que vous aurez coupé toutes les tiges de lierre, elles vont se dessécher sur l'arbre. Le lierre... développe des racines en forme de crampons qui s'accrochent complètement sur le support. Donc c'est pas très facile à éliminer manuellement et je pense qu'il vaut mieux laisser la nature faire les choses et à ce moment-là vous aurez un dessèchement puis petit à petit l'ensemble des tiges de lierre se détruiront ou même si vous trouvez ça esthétique c'est de conserver une partie seulement du lierre, c'est-à-dire vous comptez une branche sur 2 ou 2 branches sur 3 que vous éliminez et puis vous gardez un tout petit peu pour avoir encore cette verdure. Parce que ce qui est intéressant sur le lierre, avec le lierre, pardon, sur un arbre caduque comme le chêne, c'est que le lierre étant persistant, ça vous conserve de la verdure pendant toute l'année. En revanche, bon, c'est vrai aussi que ça fabrique une sorte d'abri naturel pour tout ce qui est insectes, ravageurs, maladies et compagnie. Donc, moi, je l'éliminerais, hein, bien sûr. Il vaut mieux garder le chêne évidemment, tout seul. Évidemment, surtout après, bicentenaire. S'il est bicentenaire. Oui, donc bicentenaire, ça commence à être un arbre vénérable et qui a besoin de quelques attentions. Bien sûr. Et de respect, surtout. Et de respect, tout à fait. Merci, Chris. Patrick, bientôt 6h30, elle aussi mérite du respect, même si elle n'est pas du tout vénérable parce qu'elle est beaucoup plus jeune que nous, c'est Christine Peña. On la retrouve dans une minute pour la météo, et puis ensuite ce sera les infos. Je vous rappelle qu'à tout moment vous pouvez joindre Patrick Miolan ce matin le 32-16 ou bien jardin@rmc.fr. A tout de suite. Rejoignez les experts jardins sur leur page Facebook, Votre Jardin sur RMC. Jusqu'au 10 juillet, suivez tous les matchs de l'UEFA Euro 2016 à la Fanzone Tour Eiffel organisée par la mairie de Paris. Au programme, un écran géant, une fanzone connectée pour tout partager, des concerts, un village restauration, le pavillon de la ville de Paris, du baby foot et du e-sport. Entrée gratuite, toutes les infos sur paris.fr/UEFA Euro 2016. La Fanzone Tour Eiffel avec RMC, partenaire local de Paris Ville Haute. Leclerc. Allô Philippe ? Oui mon amour. Mais t'es parti où avec ma voiture ? Chez l'Auto Leclerc, je te fais poser des pneus Goodyear. Ah bon ? Ah oui, en ce moment jusqu'à 100 euros de remise en bon d'achat pour l'achat et la pose de 4 pneus Goodyear. Et comme on prend ta voiture pour partir en vacances, il me faut des bons pneus. À prix Leclerc. Du 22 juin au 16 juillet dans les centres L'Auto Leclerc, bénéficiez jusqu'à 100 euros en bon d'achat pour l'achat et la pose complète de 4 pneus Goodyear. Garantie crevaison 2 ans offerte. Voir conditions détaillées et liste des centres L'Auto Leclerc participants sur auto.leclerc. T'as de bons pneus là, tu sais. Embrasse-moi. C'est l'heure de la météo sur RMC, la météo avec Christine Peignat. Alors Christine, un week-end agréable ou on reste encore à la maison? Un petit week-end, un petit samedi, un dimanche un peu mieux, mais bon, c'est pas terrible, c'est orageux, c'est variable. Après ce pic de chaleur qu'on a connu cette semaine, effectivement, le fait marquant, c'est ces températures qui vont chuter. À Paris, on va perdre au moins 8 degrés, mais pas qu'à Paris, sur tout l'ouest du pays, 21 pas plus à Biarritz cet après-midi par exemple. On aura une vingtaine de degrés en région parisienne. En revanche, ça se maintient en Méditerranée avec 33 degrés cet après-midi à Marseille. On aura peu de soleil quand même en Méditerranée. Pas mal de soleil avec du vent, Mistral et Tramontane, chacun dans son domaine. Sur l'ouest, ça va s'arranger du sud Bretagne jusqu'à la Gironde, en passant par le Limousin. Vous aurez de belles éclaircies. En revanche, toujours ces départements en vigilance orange pour orages violents, hein, de l'Alsace à la Franche-Comté, l'Aube, la Côte d'Or, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Saône-et-Loire, les Vosges et Lyon, qui sont en vigilance orange pour orage. Donc c'est vraiment dans le nord-est du pays où ces orages se maintiennent. On aura un temps assez mitigé de la Normandie jusqu'au nord en passant par la région parisienne et l'Auvergne là aussi, avec un risque d'averse et un petit risque d'orage. Un petit risque d'orage en Provence également pour cet après-midi. Allez, les températures 18 à Brest, 28 à Perpignan, 21 à Biarritz et 23 à Strasbourg. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. C'est RMC. Dès 6h30, un point sur l'actualité avec Claire Chicagini. Bonjour Claire. Bonjour. Après le séisme, comment éviter les répliques? Telle est la question aujourd'hui pour nombre de dirigeants européens après le oui au Brexit du Royaume-Uni. Question au cœur de la réunion à Berlin cet après-midi entre les ministres des Affaires étrangères des pays fondateurs de l'Europe. En France, François Hollande reçoit cet après-midi les principaux chefs de parti, puis Matteo Renzi, le chef du gouvernement italien. Sur le plan économique, le Brexit ouvre une nouvelle page faite de beaucoup d'incertitudes. Moody's a donc abaissé sa note sur le Royaume-Uni. L'agence de notation craint des conséquences négatives sur la croissance à moyen terme. Sur les marchés financiers hier, les cours ont plongé, moins 12% à Madrid et Milan, moins 8% à la Bourse de Paris, moins 6,8% à Francfort et moins 2 seulement à Londres. Mais la livre sterling a, elle, atteint son plus bas niveau depuis 1985. La Banque d'Angleterre s'est dite prête à débloquer l'équivalent de 326 milliards d'euros. Nouveau règlement de compte sanglant dans les quartiers nord de Marseille. Hier soir, une adolescente de 14 ans a été grièvement blessée par des tirs de Kalachnikov. Elle se trouvait à quelques mètres d'une voiture où deux hommes ont été abattus. 25 départements en vigilance orange jusqu'à la mi-journée. Météo France redoute des orages violents en Alsace, sur le Massif central, la Franche-Comté, le Jura, la Lorraine et la Bourgogne. Le chômage repart à la hausse, plus 0,3% en mai dernier, soit 9200 demandeurs d'emploi supplémentaires. Rugby et l'exploit du Racing 92 hier soir à Barcelone face à Toulon en finale du top 14. Les Franciliens ont battu les hommes de Bernard Laporte 29-21. Cela faisait 26 ans que le Racing 92 n'avait pas soulevé le bouclier de Brennus. Début des huitièmes de finale de l'Euro. Cet après-midi, à 15h, la Suisse affronte la Pologne. À 18h, le Pays de Galles affronte l'Irlande du Nord. Et à 21h, le choc Croatie-Portugal. Quant aux Bleus, ils sont arrivés dans le Rhône pour un ultime entraînement avant France-Irlande demain dimanche à 15h. RMC 6h32. Merci beaucoup Claire. Mais vous revenez à 7h pour un prochain point sur l'actu. Dans un instant, le jardin revient. Patrick Mionan en pleine forme attend vos questions. On accueillera Nadine, qui va nous parler de son cerisier. Puis je rappelle que dans un instant, ça sera la météo du jardinier. À tout de suite. Quand on vous dit qu'on peut écouter RMC partout, quand on vous dit qu'on peut écouter RMC tout le temps, c'est vrai. RMC s'écoute n'importe où et à n'importe quel moment sur les applis, tablettes et smartphones et sur rmc.fr. Attention, monsieur Miu Miu, il est temps de retrouver les questions flash. Eh oui. En moins de 2 minutes, Patrick, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Mehdi qui habite Olivet. Originaire d'Afrique du Nord, nous dit-il, j'aimerais planter un caroubier dans mon jardin orléanais. Qu'en pensez-vous? Un caroubier dans un jardin orléanais. Ben voilà, je pense que l'orléanais n'est pas effectivement le bassin méditerranéen d'où est originaire le caroubier. Pour les botanistes, ça s'appelle Ceratonia siliqua. Alors c'est un arbre assez intéressant parce que il est très très joli. Hein. Il fait 5-7 mètres de hauteur, donc c'est pas très grand, ça va bien dans les jardins. Et vous avez un gros tronc tordu avec une corse assez rugueuse. Et puis alors, une frondaison qui s'arrondit. Et vous avez donc un beau houppier, comme on dit, donc une espèce de ramure qui fait quand même un arbre très intéressant avec des grandes feuilles qui peuvent atteindre jusqu'à 30 cm de long et qui sont persistantes. Alors, ce que l'on fait souvent au niveau du caroubier, c'est une culture pour, alors non seulement les grappes de fleurs, mais surtout les gousses avec les graines à l'intérieur que l'on appelle donc les caroubes et qui contiennent donc ces espèces de graines coriaces et que l'on utilise de façon médicinale. En revanche, eh ben c'est un arbre qui est très frileux. À moins 5 degrés, il commence à trouver qu'il fait très froid. Et puis c'est surtout aussi une essence de zone très, très, très sèche. Donc ça aime bien les sols qui sont aride. Donc dans l'orléanais, ça le fait vraiment pas. Donc vous avez possibilité éventuellement de le mettre dans un pot, mais il atteindra jamais la beauté qu'il peut avoir dans son pays d'origine. Donc ça, c'est vraiment une indication. Évitez si possible d'introduire en culture des végétaux qui ne font pas partie de la flore normale locale, parce qu'on n'aura que des problèmes avec ce genre de plantes. Voilà. Et 32-16 hein, pour nous joindre. N'hésitez pas, on vous attend. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 732-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, le week-end des experts. Votre jardin, François Sorel, Patrick Nieulan. Bien le bonjour à vous toutes et à vous tous. Vous êtes sur RMC. Bon week-end. C'est vrai que ça y est, on y est. Ce week-end est là et on va, vous allez sans doute en profiter, peut-être pour jardiner, pourquoi pas. Si vous avez un petit bout de jardin ou si vous avez une terrasse fleurie, vous pouvez en profiter pour nous joindre ce matin pour poser toutes vos questions à Patrick Nieulan. Comment est votre jardin ce matin? Est-ce que voilà, ce temps un peu fou a un impact sur votre jardin, sur votre terrasse? N'hésitez pas à nous le dire, le 3216 ou bien jardin@rmc.fr. Si vous avez des questions ce 25 juin, c'est le moment ou jamais. Oui. Alors chez nous, l'impact est très opulent. Hein. C'est-à-dire que c'est une espèce de forêt vierge notre jardin actuellement, mais c'est sympa. Hein. Nous, on aime bien ça. Bon, c'est vrai que le fait d'avoir des camélias, des rhododendrons, des érables du Japon, des fougères arborescentes, avec le temps qu'il a fait, on ne pouvait pas rêver mieux. Ouais, le camélia en ce moment s'éclate complètement. Attendez, j'avais des camélias qui ils étaient pas trop top, il y avait des feuilles un peu jaunes. Oh, ils ont refait une feuillaison là, ils sont dans un état extraordinaire. Il leur fallait ça. Mais voyez, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que les végétaux, il faut les adapter au mieux aux conditions. Oui, de mais votre le problème jardin. C'est qu'on a des conditions tellement changeantes en ce moment. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez par exemple un jardin ombragé comme celui qu'a chez nous, il faut bien choisir les plantes qui vont dans ces conditions-là. Parce que si vous voulez introduire par exemple des plantes méditerranéennes, alors que vous êtes dans une région froide, parisienne et à l'ombre, pas bien exposée, etc., c'est pas possible. Ça ne marchera jamais. Bah oui, un olivier dans la région parisienne à l'ombre. Passez votre chemin. Là, ça devient très, très compliqué. Ça devient compliqué. N'hésitez pas, hein, toutes vos questions jardin dès maintenant. Nous sommes en direct, 3216 ou jardin@rmc.fr. Vous parlez d'olivier. Moi, ce qui est très étonnant, c'est que nous, on a quand même un petit peu d'endroits avec du soleil. On en a un petit en pot. Il a une floraison actuellement exceptionnelle, alors que pourtant ça manquait pourtant, quand le même temps de lumière. Voilà. Ouais, mais le temps est humide, en plus ça n'a pas trop d'humidité, l'olivier. Bah, il est plutôt pas trop mal. Bon. Justement, je m'inquiète pas, mais je me dis tiens, il c'est s'est bizarre. Peut-être adapté. Peut-être que de temps en temps je raconte n'importe quoi parce qu'ils peuvent peut-être s'adapter. Ou alors il sait que vous êtes Patrick Nieulan et il veut vous surprendre. Il me fait plaisir. Voilà. C'est ça. On attend vos questions. Dans quelques instants, ça sera la météo du jardinier, mais auparavant. Nadine nous attend. Bonjour Nadine. Bonjour. Bonjour François. Nadine. Bonjour Miu Miu. Merci d'avoir sélectionné ma question. Mais bienvenue chère Nadine. Je suis dépitée parce que c'est la deuxième année que ça arrive. Je n'ai pas eu une cerise et je crois que je n'aurai pas une prune parce que les jets sont sur les arbres comme des fous. Ils n'ont même pas attendu qu'elles soient mûres. Les cerises, ils les ont boulottées vertes. Ils doivent être très affamés et je ne sais plus que faire. Alors je me pose la question, comment font les arboriculteurs qui vivent de leur récolte, parce qu'il devrait y avoir un moyen Bah, les plantes sont sous filet, hein, tout simplement. Même les grands arbres, bah, bien sûr. Mon arbre, c'est pas possible, il est énorme. Alors, de toute façon, les arboriculteurs ne cultivent pas sous des grands arbres parce que ça pose trop de problèmes au niveau de la récolte. Donc, ils ont des arbres de mitige et ils sont sous filet. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Vous savez, aujourd'hui, on parle énormément de biodiversité. Donc, on veut partager ce que l'on fait avec la nature et avec l'environnement, ce qui est très, très bien. Mais il faut en accepter les inconvénients. Alors, évidemment, quand on a envie d'avoir des productions, bah, il faut prendre quelques précautions et malheureusement, on va dire, alors vous pouvez très bien mettre quelques affolants dans les arbres. Oh, j'ai tout essayé. Alors il y a un truc qui marche relativement bien. Mais ça dure pas longtemps parce qu'en fait ils sont pas idiots les oiseaux, ils arrivent à s'habituer. Après ils s'habituent. Mais quand vous avez des vieux CD, je l'ai fait. Et ça a pas marché? Pas marché. Des bouts de film. J'avais du film à mort 16 mm blanc qui volait au vent. Il s'en fiche. Parce que les CD, ça fait des couleurs assez bizarres. Ouais, qui parfois leur plaît pas trop. Mais honnêtement, à part les filets, vous pouvez rien faire du tout contre les. Il n'y a pas des bruits, des trucs qui les éloignent ou je sais pas. Des odeurs. J'aurais pensé des produits qui envoient des odeurs qui les répugnent. On n'a pas du tout au niveau produit, il y a rien pour les oiseaux. De toute façon pas pour les combattre, oiseaux, mais même pour les éloigner. Alors peut-être qu'effectivement, si on envoyait dans la nature des sons de prédateurs, de jets. Alors il y a un truc qu'on pourrait faire aussi, mais c'est pareil, ça donne des résultats que très très ponctuellement, c'est d'acheter des silhouettes d'oiseaux prédateurs. Donc des silhouettes de buses ou de rapaces comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, oh là là, il y a du monde là, je vais aller voir ailleurs. Il faudrait les déplacer tout le temps parce qu'ils s'habituent à un moment donné à la présence disant oui, c'est menaçant, mais ils bougent pas. Mais donc, comme vous disiez, c'est intelligent ces trucs-là. Donc au bout d'un moment, ils disent, bon, c'est quoi, c'est une blague. Oui, ils se font pas leurrer longtemps. Peut-être des drones. Alors les drones. Ah oui, Nadine. Mais bon, le problème, c'est que ça va être plus compliqué. Il va falloir des drones tout le temps, tout au long de la journée. Après, il faut accepter, effectivement. On dit le partage, mais là, c'est plus le partage. C'est-à-dire qu'on nourrit carrément. Et vous n'arrivez pas à récolter quoi que ce soit, Nadine. Non, et c'est la deuxième année, et je crois que c'est mon point de vue, mais il vaut ce qu'il vaut, on ne voit plus d'insectes. Et cette année, ils n'ont même pas attendu qu'elles soient mûres. Donc, moi, ici, dans le Var, je ne sais pas si c'est spécial dans mon coin, mais je ne vois plus d'insectes. C'est-à-dire que avant, on avait de tout. Ouais, comme ils n'ont plus d'insectes pour manger, ils mangent vos fruits. Avant, on partageait. On faisait moite-moite. J'arrivais à avoir des frises et eux aussi. Ouais. On vivait en bonne intelligence. Maintenant, je vous dis, je n'ai même pas eu le temps. Mais parce que vous êtes dans une région entourée de cultures agricoles qui sont traitées régulièrement, peut-être. Il y a des vignes, oui, bien sûr. Sûr que si les viticulteurs alentour ne pratiquent pas, on va dire, à minima, la culture raisonnée et au mieux, on va dire, la production biologique, il y a une réduction considérable des populations d'insectes. Vous n'avez pas d'insectes dans votre jardin, malgré tout? À part quelques fourmis dans le compteur électrique, mais je n'en ai pas. D'accord. Avant, on voyait des araignées, on voyait des gendarmes, des phasmes, on voyait, enfin, de tout, des rhinocéros, des capricornes, des sauterelles même qui nous détruisaient le jardin. Rien. Mais je pense, Nadine, ce qu'il faudrait peut-être imaginer, c'est que c'est peut-être le temps de semer ce qu'on appelle des jachères fleuries, mais qui sont champ de prairie. Oui, mais la prairie, vous avez peut-être pas une biodiversité suffisante, mais avec des mélanges fleuris qui attirent les insectes, le butineur notamment, et il y en a maintenant facilement dans le commerce et c'est très joli. D'ailleurs, vous pouvez ensemencer une prairie avec ça. Là, vous attirez obligatoirement la faune entomophile. Voilà. Ouais. Bon, bah écoutez, on va essayer ça. En tout cas, merci. Tenez-nous au courant, Nadine. Absolument, l'année prochaine. Voilà, exactement. Non, mais bon, vous avez raison, vous avez bien observé les choses. Bon, lorsque la vie faune n'a pas suffisamment à manger dans ce qu'elle trouve naturellement dans l'environnement, ben, elle se rabat sur ce qu'elle trouve aussi dans nos jardins. Ça, c'est une évidence, bien sûr. Ouais. Merci. Merci Nadine. Bonne journée dans le Var. Bon, cela dit, allez, consolez-vous. Je vous envoie un peu de soleil. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. À bientôt. Au revoir, Nadine. On va maintenant enchaîner puisqu'il est 6h43 avec notre météo du jardinier, Patrick. Et oui, je le disais donc à l'instant, nous sommes le samedi 25 juin 2016. On fête les prospères. Oui, on fête les prospères, les Éléonores, oui. Lorraine, Nora, voilà, qui sont dans un petit peu les dérivés. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire aussi? On dit à la Sainte Éléonore, d'eau de ton jardin honore. Bah oui, on peut le faire. Binage de Saint Prosper, jardinier Prosper. Ça c'est bien parce que effectivement, là vous avez besoin. Biner, sarcler en ce moment, faut le faire. On dit après la Saint-Jean, si le coucou chante, la saison sera rude et méchante. Ça, je sais pas, j'ai pas entendu le coucou. Pluie de Sainte-Lorraine, les reines sont reines. Ça veut dire quoi, ça? Pluie de les reines, R-A-I-N-E-S. Ce sont les grenouilles. Eh oui, mais d'accord. Les reines, les reinettes. Alors, 177e jour de l'année, 7e jour du mois de Messidor dans le calendrier républicain. Vous savez que nous sommes en train de vivre les journées les plus longues de l'année parce qu'on réduit, là? Pas encore. Pas encore. Pas encore. On a 16h09 de soleil aujourd'hui. Ah donc on peut se dire que 16h09, c'est l'ensoleillement maximum. C'est l'ensoleillement maximum, je pense que là c'est les derniers jours où ça bouge pas. Avec un soleil qui s'est levé il y a pratiquement une heure, vous rendez-vous compte, à 5h48, et se couchera à 21h58. Ça te fait bien, ça ouais. C'est agréable. Ouais. Philippines, journée nationale de l'arbre. J'aimerais bien qu'en France on ait une journée nationale de l'arbre. Et 4e jour du signe astrologique du cancer. Alors, je voulais faire juste un petit clin d'œil du 25 juin 1799, où est né en Écosse David Douglas, qui était un botaniste extraordinaire. Et vous devez avoir le nom un petit peu dans la mémoire, parce oui. que bah, le Douglas, c'est un grand, grand conifère, hein, le pseudo-Tsuga Douglasi. On lui a offert cette plante-là, parce que lui, il a nommé énormément, notamment, de conifères. Alors, qu'est-ce que l'on va se dire au niveau de cette météo? Ben, ce que vous a dit Christine Peña tout à l'heure, globalement, ça va se reproduire pendant toute la semaine. Donc, on va avoir une vraie coupure entre la moitié nord et la moitié sud, avec, en moitié nord, une sorte de temps très mitigé, plutôt frais quand même pour la saison, même parfois très frais, puisqu'on pourra avoir que des 15 degrés du côté du Cotentin dans la journée, alors que dans le sud, on sera dans un temps sec, ensoleillé et plutôt chaud, puisqu'on aura en moyenne 29-30 degrés dans la région d'Avignon. C'est dans le Luberon qui fera le plus chaud. Alors ça veut dire... Alors en plus, moi je me suis arrêté hier à jeudi, parce que à partir de jeudi, l'indice de confiance était très très bas. Donc ça sert à rien. Déjà dès mardi, il était qu'à 3. Donc quand on vous regardez les cartes des vents, parce que moi je regarde d'abord ça, c'est la direction des vents qui normalement vous indique globalement la tendance générale de la météo. Là, vous regardez les vents sur la France, ça souffle dans tous les sens. Donc c'est vrai que c'est très compliqué de pouvoir projeter un comportement, disons, de temps à ce moment-là. Donc pour le jardin, ça devrait le faire. On devrait arriver quand même à s'en sortir un petit peu. D'ailleurs, dès demain, je pense que vous aurez une journée sans doute assez sympa. Donc sortez le barbecue, ça sera peut-être la première fois depuis le début de l'année. Après, donc à partir de lundi, vous pourrez encore profiter du soleil. Mais comme je vous le disais, ça ne va pas durer. Donc sur le jardin, vous allez avoir... sur la moitié nord, je disais, des températures assez basses. C'est l'occasion idéale pour faire des gros travaux. Et oui. Si vous avez des clôtures, des dallages, des murets à faire, profitez de ça, parce que c'est pas quand il fait 30 degrés qu'on fait ce genre de travail de façon agréable. Après, sinon, on peut encore planter. Nous, on a encore planté, rien qu'hier, justement, des aromatiques dont on parlera dans la deuxième heure, parce que on a pris beaucoup de retard. Donc on trouve encore dans les jardineries pas mal de choses qui sont intéressantes. Donc c'est le moment notamment aussi de planter les laitues d'automne. Alors faites un truc quand même, attention aux limaces. Hein. Donc faites du paillis, mais dans ces cas-là plutôt du paillis minéral, avec par exemple des paillettes d'ardoise, ça freine les limaces, alors que si vous faites du paillis organique avec du compost ou de la paille, etc. D'accord. Alors là elles se régalent. C'est pas ça, ça leur fait des abris extraordinaires, donc elles se planquent bien, vous les voyez pas. Et pendant la nuit, elles vous ravagent vos cultures. Et hop là, le soir, le matin, elles se cachent. Moi, je n'ai pas une salade. Il n'y a pas une salade qui a résisté. Tiens, non, c'est incroyable. Même j'avais mis du fer à molle, etc. Mais malgré tout, elles devaient être trop nombreuses, oui. Il y en a une partie qui a bouffé le fer à bol, et puis les autres, elles ont mangé les salades. Non, c'est terrible à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, on tond le gazon là en ce moment parce que ça pousse. Alors, il y a des tailles à faire. Hein. Vous pouvez déjà tailler un petit peu les plantes qui sont fanées depuis le début du printemps. Réduire un peu, rééquilibrer et rajeunir. N'oubliez pas que la taille, c'est un rajeunissement. Donc, on privilégie toujours les jeunes pousses au détriment des anciennes. Bon, ça y est, on sort la tondeuse. Ah ben oui, on tond. Ben oui, bien sûr. Ben, c'est la période. Ça, c'était une électrique, ça. J'ai l'impression. Je vous dirai pas la marque, mais je pense que c'est une. Regardez l'expertise de Patrick Mulan qui, en écoutant le bruit d'une tondeuse, pourrait même sortir la marque. C'est beau ou pas? Je ne suis pas encore arrivé là, mais... Mais pas loin. Peut-être. 6h48, on revient dans un instant, Patrick, et on va accueillir Rémi, qui va nous parler de ses plants de vigne, visiblement, le 32-16. jardin@rmc.fr. N'hésitez pas à nous appeler. Puis je vous rappelle que tout à l'heure, entre 7 et 8, on va parler de plantes aromatiques et médicinales. Toutes vos questions sur ce sujet. Tiens, est-ce que vous êtes sensible aux plantes aromatiques? Est-ce que vous vous soignez avec ce genre de plantes? N'hésitez pas à témoigner, à poser vos questions. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. Attention, le dimanche avec Winamax, le poker est sur RMC. Dès 16h30 dans l'Intégral Sport, premier coup de poker de la journée signé Daniel Riolo. À 20h, rendez-vous sur winamax.fr pour la soirée poker. Et à partir de minuit, retrouvez le RMC Poker Show, le seul show poker à la radio. Le poker, c'est demain sur RMC. RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Chérie, Camping Gaz révolutionne le monde du barbecue. Avec sa nouvelle gamme, entièrement lavable en machine. Si! En quelques secondes, je retire tous les éléments du barbecue que je mets directement au lave-vaisselle. Du coup, avec Camping Gaz, je garde que le plaisir et je gagne du temps pour... Du temps pour moi, pour toi, pour eux. Enfin, un barbecue qui plaît aux femmes. Camping Gaz. 25 euros remboursés, conditions sur campinggaz.com. Salut, c'est Pierre Dorian sur RMC. Lundi, la Dream Team vous donne rendez-vous à partir de 15h à la Fan Zone Tour Eiffel pour un show exceptionnel. Avec Luis Fernandez, Vincent Moscato, Franck Leboeuf, Jérôme Roten, Ali Benarbia et Julien Cazard, l'intégrale Foot UEFA Euro 2016, c'est en direct et en public à la Fan Zone Tour Eiffel lundi à partir de 15h. On vous attend nombreux. RMC numéro 1 sur l'UEFA Euro 2016. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Nous voilà de retour dans quelques instants, la météo, celle de Christine Peña pour ce week-end. Et puis ensuite, ce seront les infos avec Claire Cecchiaglini. Et vous êtes au cœur de ce rendez-vous jardin, comme chaque samedi, avec Patrick Mulan à mes côtés, le 32-16, jardin@rmc.fr. N'hésitez pas à nous appeler, les amis. Et on accueille Rémi, tout de suite. Bonjour Rémi. Oui, bonjour à bonjour, vous. Bonjour Rémi, bienvenue. Et bonjour au maître. Grâce à lui, je suis devenu coqueluche dans mon quartier. Ah, bien voilà, ça c'est la classe. Voilà, moi je l'appelle pour un énorme problème que j'ai. C'est-à-dire que j'ai fait monter du raisin le long de mon mur. Oui, c'est bien en ça. En plein soleil du matin au soir. Mmh. Et j'ai une cinquantaine de grappes. Elles commencent à faire du raisin. Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que j'ai des feuilles énormes. Et elles sont devant les grappes. Elles empêchent les grappes de recevoir le soleil. Mais il faut faire des feuillages. Faut les couper. Ça c'est une pratique que même certains vignerons font lorsqu'il y a effectivement un surcroît de feuillage qui est logique puisque on a eu beaucoup d'eau depuis le début du printemps. Et là effectivement il faut avec un petit sécateur ou une épinette. Hein, l'épinette c'est un sécateur à lame pointue qu'on utilise beaucoup dans la vigne. Eh bien c'est enlever les feuilles qui sont en surplus et qui empêche effectivement les grappes d'être exposées au soleil. Parce que si vous voulez, bien sûr que le raisin se gave de sucre et devienne le meilleur possible, il faut qu'il soit exposé au soleil. Donc ça, c'est un travail que l'on fait régulièrement et il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Alors bien sûr, il ne faut pas enlever toutes les feuilles, mais uniquement celles qui sont les plus gênantes et de manière à exposer. Ce que j'ai fait, je l'ai fait l'année dernière et... j'ai eu dans le bavard, parce que les endroits où j'ai enlevé les feuilles, le raisin n'a pas tellement poussé. Et les endroits où j'ai laissé les feuilles, les grappes déjà prenaient du soleil, elles étaient énormes, magnifiques, toutes noires, grosses et tout. Mais moi, ce que j'ai fait, la bêtise, c'est que je les ai arrachées, je les ai pas coupées. Ah oui, il faut couper, mais en même temps, il faut pas couper trop, hein. Il faut juste faire en sorte que la grappe soit exposée au soleil, parce que si vous enlevez trop de feuilles, vous réduisez la vigueur de la plante, c'est-à-dire vous empêchez la plante d'avoir son métabolisme. La plante vit. Alors, on a toujours l'impression que c'est que les racines qui sont importantes. Mais non, les feuilles sont aussi importantes, même plus, puisque c'est la feuille qui transforme les éléments puisés par les racines en substances alimentaires pour la plante grâce à l'énergie solaire. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc, si on empêche la plante d'avoir suffisamment de feuilles, ben on la fragilise. Ah, d'accord. Alors là, vous m'avez donné tout à l'heure, dès que j'ai fini mon boulot, et surtout que là, en ce moment, à Plaisance-du-Touche, il pleut, il y a du vent glacé, on se croirait vraiment au mois de février. Là. Oh là là là, Rémi. Oh là là, je vous assure, je suis dans la voiture et il y a une pluie qui tombe, le vent glacé. Alors là, je sais plus. Alors, vous savez quoi, on va vous envoyer un peu de soleil de Paris, alors. Bon, une fois qu'on fait ça. Non, mon plaisir, c'est de vous entendre et j'en apprends énormément. Et ça me fait, vous savez, j'ai 69 ans le 9 juillet. Ah, très bien. Hein, presque bon anniversaire. 69 ans le 9 juillet et je peux vous dire, je travaille depuis 6 ans distributeur de presse, pour un complément de retraite et ça me fait plaisir. Je vois du monde, mes clients qui m'offrent du café. On discute, on s'échange les idées. Mais vous avez Rémi, vous avez l'air bien sympathique et on vous remercie pour votre appel en tout cas et n'hésitez pas à nous rappeler. Voilà. On enchaîne vite fait avec Pascal qui est avec nous. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Bienvenue bonjour Pascal. Bonjour, bienvenue. Comment allez-vous? Bien et vous? En ce beau samedi. Ben oui, écoutez. Dans les Alpes d'Haute-Provence. Ben oui, avec un temps superbe, une chaleur de folie. Ah enfin oui. Bon. Mais ça c'est classique dans votre région. Ah oui, mais avec un grand manque d'eau aussi. Est-ce que les lavandes vont être belles cette année, en dépit du printemps peu maussade? Oui, en tout cas, là, elles sont sorties impeccables. Bon, ben voilà. Rien à dire. Ça fera plaisir d'aller les visiter pendant l'été. Alors Pascal, on vous écoute. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes bienvenu. Non, il m'arrive rien de grave, mais j'ai des Cnidophora que j'ai plantées. Voilà, il y a quelques années les maintenant. Les tisons de Satan, on appelle ça aussi. Les tisons de Satan. Ah, ça, je savais pas. Voilà, bon, enfin, moi j'ai appris que c'était des Cnidophora. Voilà, Cnidophora ou Tritoma, on disait dans le temps aussi. Donc, et vous voulez quoi, les diviser? Voilà, alors c'est-à-dire, j'ai deux immenses touffes, parce que c'est devenu, en 10 ans, c'est devenu des touffes gigantesques. Alors, elles fleurissent admirablement bien. Ça fleurit très peu, ça fleurit à peu près 3 semaines pendant le mois de juin. Oui. Voilà, c'est vraiment très, très faible. C'est très faible parce qu'en fait, les touffes, elles sont trop volumineuses, donc c'est vraiment bien de les diviser. Voilà. Il faut faire ça au moins vers le courant septembre-octobre. Ça sera la meilleure période. En sélectionnant, évidemment, les pousses les plus jeunes au détriment du cœur de la touffe. Donc, en général, les jeunes pousses se trouvent sur la périphérie. De toute façon, bon, on voit bien où elles se situent. Donc, on va les conserver. Et puis après, vous replantez, on va dire, à 50-60 cm les jeunes rejets. Et ça donnera des bons résultats. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est sur l'ensemble des plantes vivaces, c'est une multiplication qui est à la fois facile et classique, à savoir la division de touffes. Alors, ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est quand même repréparer un peu le sol dans lequel vous allez replanter le Cnidophora, parce que bon, ces grosses touffes, elles ont quand même pas mal consommé, donc apporter un peu de matière organique, pas trop, parce que quand même le Cnidophora, c'est une plante qui aime bien les sols assez drainés, puis vous pouvez mettre un petit peu d'engrais de fond. Alors si vous êtes bio, bah, vous mettez de la corne, vous mettez des choses comme ça, hein, des engrais de fond à l'ancienne, comme on dit, voilà. Mais alors pour les diviser, parce que, écoutez, moi j'y connais strictement rien, vraiment rien, je suis une pomme en jardinage, c'est une catastrophe, enfin, je suis vraiment une pomme, faut le dire. Bah écoutez, ça tombe bien, ça va. Et je sais pas, alors, est-ce qu'il faut y aller à la bêche? Est-ce qu'il faut... Oui, bien sûr. Avec une fourche bêche, plutôt, pour pas trop bousiller les racines. Donc, vous allez arracher la touffe. Et puis après, il faut extraire tout ça. Alors, en fonction de la... Disons, si c'est trop dur, parce que parfois ça fait des gros rhizomes, ben à ce moment-là, avec la bêche, là, vous pouvez trancher à l'intérieur. Faut pas avoir peur de ça, hein, ça, mais faut garder des morceaux qui font à peu près 10-15 cm de diamètre, et puis vous replantez. Vous allez voir, ça se fait tout seul. Merci Pascal. Patrick. Enfin, je dis ça se fait tout seul, faut quand même arracher. Hein. Faut arracher quand même. On revient dans un instant après la météo et les infos de 7h sur RMC. On enchaînera avec notre deuxième partie jardin dédiée aux plantes aromatiques et médicinales. Vos questions, vos témoignages sur ce sujet. Est-ce que vous êtes sensible justement aux plantes aromatiques, aux médicinales? Est-ce que vous en cultivez chez vous? Comment vous vous en servez? On vous attend 32-16. On revient après la météo et les infos. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. Salut, c'est Jeannot Rességuier. Ça y est, on y est en huitième de finale, mais on tarde un peu à convaincre. Hein. France-Irlande, demain à 15h, je compte sur vous, les Bleus comptent sur votre soutien, et cette fois-ci, sans le moindre coup de main. L'Euro, c'est vraiment unique sur RMC. Et si on parlait véhicules d'occasion? Oh, désolé, j'étais pris dans les embouteillages avec mon capture d'occasion garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus. C'est pas grave. J'ai mis 3 heures à venir jusqu'ici. 3 heures, t'imagines? Ça me fait penser. Je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec mon capture d'occasion? Oui, tu m'as dit. Ah ouais? Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2015, offre réservée aux particuliers pour 1€ de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur renault-occasion.fr. Un coup d'œil sur la météo de votre week-end sur RMC, c'est avec Christine Peña. Bonjour Christine. Bonjour François et bonjour à tous. Petit week-end mitigé, orageux. Les orages se sont décalés sur le nord-est. Reste 14 départements quand même en vigilance orange. Donc soyez prudents entre la Bourgogne et l'Alsace, ça va bien bien cogner. Nous avons du soleil quand même en Méditerranée qui se maintient. Attention en Provence cet après-midi, ça va s'ennuager avec un risque d'orage là aussi. À l'ouest aussi, les éclaircies reviennent du sud-Bretagne jusqu'au Poitou-Charentes, Limousin, Gironde. Nous aurons du soleil sur surtout cet après-midi. Ailleurs, c'est vraiment nuageux. Quelques éclaircies entre le nord, la région parisienne, mais également des averses. Les températures, elles chutent. On perd jusqu'à 8 degrés. Il fera 18 à Brest, 19 à Lille, 20 degrés à Paris comme à Tarbes, 23 à Strasbourg et toujours chaud en Méditerranée avec jusqu'à 33 à Marseille. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Dès 14h, intégrale UEFA Euro 2016 avec un 15h Suisse-Pologne, à 18h Pays de Galles, Irlande du Nord et à 21h Croatie-Portugal. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. C'est RMC. Bien le bonjour à vous toutes et à vous tous, il est 7h. 7h, toute l'actualité, c'est avec Claire Tchekagini. Bonjour Claire. Bonjour. Exit le Royaume-Uni de l'Union Européenne et bonjour à un pays fracturé et à une Europe qui s'interroge sur les conditions du divorce avec l'un de ses principaux contributeurs. Quelles conséquences pour les sujets de Sa Majesté installés en France? Ils sont 200 000 à se poser la question. Rugby, 26 ans que le Racing 92 n'avait pas remporté le bouclier de Brennus. Victoire hier en finale du top 14 face à Toulon de 29 à 21. Comment éviter la contagion? Quelles conditions accorder à Londres pour l'après-Brexit? Quel calendrier suivre? Autant de questions abordées dès aujourd'hui lors du premier mini-sommet européen à Berlin entre les ministres des Affaires étrangères des pays fondateurs de l'Europe. Pendant ce temps, Londres se réveille après le séisme d'hier qui a fait trembler toute l'Europe. Amélie Rosic, vous êtes l'envoyée spéciale d'RMC. La capitale britannique va mettre longtemps avant de digérer le choc d'hier. Oui Claire, dans la rue, dans les parcs, dans les pubs, on ne parle que de ça. Le Brexit est évidemment dans toutes les têtes. Ici à Londres, les Britanniques ont voté à plus de 70% contre le Brexit dans certains quartiers. Dans cette capitale cosmopolite par excellence, les Londoniens craignent un repli sur soi. Les jeunes en particulier redoutent de se voir imposer des freins pour étudier ou travailler ailleurs en Europe par exemple. Le référendum a beau être terminé, le débat se poursuit donc. Rappelons que 48,1% des électeurs ont voté pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne et ils n'ont pas dit leur dernier mot. La bataille se poursuit sur Internet. Une pétition a été lancée sur le site change.org. Elle réclame la tenue d'un second référendum selon les règles suivantes. Pour être valide, il faudra pas moins de 75% de participation et un camp devra remporter au moins 60% des suffrages pour l'emporter. La pétition a déjà récolté plus de 550 000 signatures en 24 heures. Merci Amélie. Amélie Rosic en direct de Londres. Et de l'autre côté de la Manche, on s'interroge aussi sur les conditions du divorce qui s'annonce. Cet après-midi, François Hollande reçoit les principaux chefs des partis politiques avant de dîner avec Matteo Renzi. Natacha Bouchard, elle, ne sera pas à l'Élysée. La maire de Calais a néanmoins une chose à demander au chef de l'État concernant le Brexit. Elle souhaiterait qu'à l'occasion de la renégociation des accords entre Paris et Londres, les Anglais prennent leur part dans la gestion de l'immigration. Pour cela, il faut qu'un camp ouvre côté britannique, selon Natacha Bouchard. Ce qu'il nous faut, c'est un accueil humanitaire contrôlé, chose que nous n'avons pas aujourd'hui, que nous n'arrivons pas à avoir. Si au niveau des Britanniques, ils acceptaient d'ouvrir un lieu d'accueil, ça permettrait de désengorger la difficulté dans laquelle on se trouve nous aujourd'hui. Il est important aujourd'hui que le président de la République affirme haut et fort qu'il renégociera les accords du Touquet, même si c'est un traité franco-britannique. Ça doit faire le poids en fait nécessaire pour une négociation de sortie de l'Union européenne. Natacha Bouchard avec Romain Cluzel. Autre interrogation, toujours en France, mais concernant cette fois les ressortissants du Royaume-Uni. Ils sont 200 000 à s'être installés dans l'Hexagone. Les règles vont-elles changer concernant leur permis de travail, leur sécurité sociale, leur retraite? Laureline Savoie a posé la question à quelques exilés habitant la région parisienne. Kate fait un stage à Paris, principalement grâce au programme d'échange universitaire de l'Union européenne. Mon salaire de stagiaire est très bas et je vis en grande partie grâce à la bourse Erasmus. Je m'inquiète pour l'avenir du programme. Depuis 9 ans, Anna travaille en France, mariée à un Turc. Elle s'imagine déjà avoir à affronter les mêmes galères. Notre situation ici, ça devient moins stable et aussi la liberté pour les personnes britanniques de voyager, vivre et tout. Dire où ils veulent, ça va compromiser beaucoup leur situation. Inquiétude aussi du côté des 70 000 retraités expatriés chez nous qui risquent un gel de leur pension. Christopher Chantret, président du British Community Committee of France. Il n'y aurait plus d'augmentation au coût de la vie. Le gouvernement britannique est empêché de faire ça par un jugement de la Cour de justice européenne. Une mesure, si elle était confirmée, qui pourrait dépeupler des villages du sud-ouest, principalement habités par des retraités britanniques. Mauvaise nouvelle sur le front du chômage. Près de 2 mois consécutifs de baisse. Le nombre de demandeurs d'emploi est de nouveau en légère hausse. Plus 0,3% comparé au mois d'avril, soit 9200 inscrits supplémentaires, parmi eux près de la moitié de jeunes. Nouveau règlement de compte dans les quartiers nord de Marseille. Cette nuit, bilan 2 morts et une adolescente de 14 ans gravement blessée. La jeune fille a reçu des tirs de Kalachnikov alors qu'elle se trouvait à proximité d'une voiture dans laquelle 2 hommes ont été abattus. En 2013, elle avait noyé sa fille sur la plage de Berck parce que c'était plus simple comme ça, c'est ce qu'elle avait alors expliqué aux enquêteurs. Hier, Fabienne Cabou a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Pas-de-Calais, une peine au-delà des réquisitions du procureur. Christian de Saint-Palais était l'avocat du père de la petite fille. Il ne comprend pas le verdict. Peine incontestablement très sévère, peine pour moi difficilement compréhensible. Je dois dire avoir très clairement perçu dans le box une femme délirante, une femme que 2 médecins sont venus nous dire malade et atteinte d'une psychose délirante. C'est dire qu'aujourd'hui on envoie cette femme qui a commis un acte criminel, bien sûr, pendant 20 ans en prison, alors que nous savons qu'il s'agit d'une grande malade mentale. Et c'est une situation vertigineuse pour moi et tout à fait effrayante. Aux États-Unis, crue meurtrière en Virginie, 23 personnes ont trouvé la mort dans les pires inondations qu'ait connu cet État depuis plus d'un siècle. Des centaines de personnes ont dû également être évacuées. RMC, 7h passées de 6 minutes. Rugby, un match haletant avec des joueurs du Racing 92 très vite en difficulté. Qu'importe, les Franciliens se sont finalement surpassés et ont remporté face à Toulon leur premier titre de champion de France depuis 1990. Score final 29-21. Compte rendu de cette rencontre à suspense avec Laurent Després, l'envoyé spécial d'RMC. Eh bien, c'est rare qu'une finale bascule à la 18e minute. C'est pourtant ce qui s'est passé. Maxime Machnaud effectue un plaquage dangereux sur le Toulonnais Guito, carton rouge. Et c'est cela qui a boosté le cœur et l'envie des Racingmen. Machnaud raconte. Très déçu parce que je pensais que c'était mission impossible. Très compliqué pour les 14 potes que j'ai laissés sur le terrain. Et ce soir, ils ont fait le job. À la mi-temps, j'ai essayé de... Même si j'étais, comme vous pouvez l'imaginer, très déçu et que pas forcément la tête à... Mais il fallait que voilà, je garde le moral pour l'ensemble des joueurs. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui m'ont dit qu'ils allaient le faire pour moi. Et forcément, ça m'a beaucoup touché. Et je pense que voilà, ils ont fait un match exceptionnel et je leur remercie. Oui, exceptionnel au terme d'une saison éreintante. Exceptionnel dans la chaleur de Barcelone. Un scénario fou pour une finale renversante comme le plaquage de Machnaud. Le reportage RMC de Laurent Després. Côté supporter, on n'a pas forcément toutes les clés pour comprendre l'exploit du Racing, mais l'essentiel est ailleurs. Ça fait longtemps qu'on attend ça. C'est bon maintenant. Une finale perdue, une de gagnée, c'est bon. Ils sont venus le chercher à 14, c'est bon. À toutes. On retiendra que ça, ils sont venus à 14 pour la chercher, la victoire. Ils ont été forts, je sais pas comment, en deuxième mi-temps, ils ont pu faire. Je sais pas comment. À 14 contre 15, un mental dingue. Toto Travers, il a dû les remonter. Le Saladé, il a dû leur faire manger du confit et des cèpes à la mi-temps. Ils battent la semaine dernière, ils battent les premiers. Là, ils battent Toulon, il n'y a pas photo. Bravo, mais ça fait du bien. Et on va aller fêter ça. Se reposer et s'entraîner aussi cet après-midi, rester concentré. En tout cas, les Bleus sont arrivés hier dans le Rhône à J-1 de France-Irlande, un huitième de finale de l'Euro pour lesquels les tricolores bénéficient de 3 jours de récupération supplémentaire. Calendrier des matchs oblige, un avantage non négligeable sur leurs adversaires pour les hommes de Didier Deschamps, Clément Matisse. Semaine intense pour le futur adversaire des Bleus. Les Irlandais ont à peine eu 3 jours pour préparer leur 8e de finale contre 6 pour l'équipe de France. Pourtant, le sélectionneur irlandais Martin O'Neill ne crie pas à l'injustice. Oui, ça fait une grande différence, mais je comprends. C'est le pays hôte, c'est normal qu'ils aient un traitement de faveur. Si l'Euro était en Irlande, on aurait fait exactement la même chose. Pas plus d'inquiétude du côté des joueurs. Shane Long, attaquant de l'Irlande, est assez confiant. En Angleterre, on joue tous les 3 jours, donc c'est un peu la routine. Ça ne nous pose pas vraiment de problème. On a tout ce qu'il faut pour récupérer le plus vite possible et on sera prêt dimanche. Les Irlandais sont arrivés à Lyon tard hier soir. Il ne leur reste donc plus qu'un jour pour se préparer à jouer les Bleus. Et puis les huitièmes de finale débutent aujourd'hui. Au menu, le Portugal qui devra hausser donc son jeu pour l'emporter face à la Croatie. Coup d'envoi à 21h. À 15h, la Suisse affronte la Pologne. Et à 18h, le Pays de Galles joue contre l'Irlande du Nord. Désolé pour le retard, François Sorel. Il est 7h passé de 9 minutes. Mais Claire, je ne peux que vous pardonner. Vous pourriez faire un quart d'heure que je serais là, comme ça, la désarmée, en vous disant, mais c'est pas grave, Claire. C'est trop gentil. Mais je vous en prie. Voilà, en revanche, il faut s'intéresser aux courses. Aux pronostics. Et aux pronostics hippiques, bien sûr. Avec un tiercé quarté quinté plus cet après-midi à Compiègne. Sébastien Larras est confiant avec l'As Samir et le 4 Brave Impact. Brahim Asloum se méfie tout particulièrement du 7 Mo Green. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 11 Versaline et le 5 Invilino. L'As, le 4, le 7, le 11 et le 5. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, le week-end des experts. 6h-8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Et nous y sommes. 7h10, c'était RMC, le week-end des experts. Deuxième partie de notre rendez-vous jardin avec toujours un Patrick Mulan en pleine forme, voilà, qui nous accompagne jusqu'à 8h. Et puis ensuite, ce sera la maison avec Christian PC qui me rejoindra, le bricolage, la maison, la déco. Et avec Christian, tout à l'heure, on s'intéressera aux insectes dans la maison. On restera un petit peu dans cette ambiance nature. C'est vrai qu'avec toute cette pluie, cette chaleur, favorise bien sûr la prolifération des moustiques et autres insectes dans la maison. On en parlera tout à l'heure avec toutes vos questions et puis surtout nos invités qui pourront vous aider. Ça sera donc à partir de 8h, le bricolage, la maison, la déco. Mais dans l'immédiat, deuxième partie de ce rendez-vous jardin, place aux plantes médicinales et aromatiques. Et aromatiques. D'ailleurs, les aromatiques qui vont peut-être nous aider aussi à éloigner un peu les moustiques. On va voir avec nos invités. Est-ce que ça marche, ça? Tiens. Après, ouais. Non, mais on va avoir l'occasion de débattre. Non, mais il y a des herbes qui éloignent les mouches en théorie, mais est-ce que ça marche vraiment? Non, mais par exemple, bon, la mélisse, surtout la citronnelle. Alors moi, j'ai remarqué en revanche que les eucalyptus, il y avait rarement des moustiques qui volaient en dessous. Ah oui, ils aiment pas ça. Ça sent quand même pas mal. Mais on va voir tout cela parce que justement, ça va être au cœur du sujet. Donc toutes ces plantes qui expriment des essences, des huiles essentielles avec des odeurs particulières. Et c'est pas les odeurs qui sont parfois les plus importantes, c'est les vertus qu'il y a à l'intérieur de tout cela. Et pour parler de ce sujet, on a deux invités et puis beaucoup de plantes dans le studio. David Demaret, bonjour. Alors on vous connaît, directeur du magasin botanique de Suresnes. Invité régulier de cette émission, donc qui est venu avec plein de plantes pour nous parler justement que les jardineries aujourd'hui ont encore de quoi vous satisfaire, je le disais déjà dans la première heure, parce qu'on a pris pas mal de retard sur la saison, donc on va pouvoir planter. Et puis une invitée pour la première fois, Simone Bourgarel, donc qui a publié au printemps un livre, un petit livre vraiment sympa qui s'appelle La femme à couper naturelle et qui va nous parler effectivement toutes ces produits, toutes ces substances. Ben on va donner la parole tout de suite à Simone. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour. Écoutez, c'est sympathique de commencer cette matinée sur une note aromatique. Effectivement, ces aromatiques sous-entendent évidemment arômes, donc elles ont des effluves. C'est très agréable au jardin. Ça permet effectivement, on en parlera tout à l'heure j'imagine, d'éloigner quelques insectes. On parlait tout à l'heure de l'eucalyptus. Moi je pense aussi à la capucine, très jolie, qui grimpe le long des arbres et qui... Enfin, ça les éloigne pas, ça attire les pucerons comme c'est pas permis. Ouais, c'est une autre façon de les... C'est une autre façon de les contrôler du coup. Ils sont plus du tout... Ils sont capitalisés, voilà, sur le lieu. Mais ce qui est sympathique avec ces plantes avant tout, et cette passion que j'ai développée, c'est que pour moi c'est la plante nomade. C'est-à-dire qu'on peut l'adapter partout. C'est une plante relativement... Elle peut se balader partout. Elle peut filer. On pense à l'amande, peut-être. Oui, voilà. Mais il y a des ruses pour pas qu'elle file. Et surtout, c'est facile à cultiver. Donc c'est une première approche au jardin. C'est pour moi la petite Madeleine de Proust. On peut commencer facilement à faire un jardin avec un petit pot, terrasse, un jardin, une cuisine, si on n'a pas la chance d'avoir un terrain. En tous les cas, cette plante, on la déplace avec soi, on veut la mettre sur son bureau, si on a envie d'avoir un peu de soleil, voilà. Comme ça, dans son bureau. Ah oui, on peut s'en garder, c'est vrai qu'on peut se garder peut-être un petit pot de basilic sur le coin du bureau. Juste une chose, en nos invitant à apporter énormément de petits pots de plantes aromatiques, et ça sent très très bon dans le studio. D'ailleurs, on va poster une petite photo sur la page Facebook de votre jardin pour que vous voyez l'ambiance. En fait, le studio ressemble plus à un petit jardin voilà. Ce matin. Hein. Et ça sent le basilic, là. J'ai un basilic juste à côté. Ça sent le basilic. C'est très agréable. On va peut-être commencer par lui, d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est un peu la plante emblématique des aromatiques. David, le basilic, on le voit arriver au début de saison, enfin, au début du printemps. On peut continuer à en planter maintenant? Le basilic, oui, tout à fait. Le basilic, on va l'avoir jusqu'au mois de septembre, octobre, hein, sans problème en vente en jardinerie. Alors le basilic, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près plus de 100 variétés de basilic qui existent. Donc il y en a énormément. Les basiliques, ça va de la grande feuille, celui qu'on connaît communément, à la petite feuille. Alors moi, j'ai plutôt une préférence pour la petite feuille parce qu'il est beaucoup plus parfumé que la grande feuille. C'est le Marseillais. La petite feuille, on l'appelle pas le Marseillais. Non, le Marseillais, c'est encore une autre variété, basilic Marseillais. C'est une feuille encore plus large, qui sert à la soupe au pistou. Il y a le basilic thaï, il y a le basilic citronné, le basilic citron, lui, il a des petites feuilles. Ouais. Il y a plein de variétés. Le purple ruffles, c'est un basilic pourpre intense. C'est ça. D'ailleurs, ça peut être sympa, dans une même jardinière, de mettre plusieurs variétés de basilic, parce que du coup, on se fait pratiquement déjà un petit décor de jardin. Moi, ce que je voulais dire sur le basilic, contrairement à ce qui est écrit la plupart du temps dans la littérature, n'arrosez pas trop cette plante. Laissez-la, on va dire, commencer, alors j'appelle ça frisoter, c'est-à-dire avoir des petites vénules sur les feuilles qui vont vous dire, je commence à avoir soif. Parce que si vous l'arrosez trop, ça pourrit très vite. On a beaucoup de gens qui nous appellent en disant, j'ai planté mon basilic, il est tout noir. Oui, vous l'arrosez trop. Donc, moi, j'ai beaucoup de succès avec le basilic en l'arrosant modérément. Après, ce qui est important aussi pour le basilic, c'est un sol relativement quand même drainant. Il faut pas un sol lourd. Donc on privilégie selon les régions de plutôt le planter, enfin de l'avoir en pot ou en jardinière que dans le jardin. On va laisser ça plutôt pour les gens du sud dans le jardin. Ouais. Et ce qui est important aussi, notamment pour le basilic grosse feuille, il faut le pincer régulièrement. C'est-à-dire qu'il faut enlever les feuilles à l'extrémité de la tige de sorte à le fortifier tout le temps. D'accord. Parce que sinon, ce qui se passe aussi, c'est qu'au bout de quelques semaines, voilà, on me dit, mon basilic, il est tout jeune, mais il file, j'ai plus beaucoup de feuilles, il me reste plus que les tiges. Donc il est important de bien le pincer de sorte à continuer à l'étoffer. Et d'ailleurs, on voit que les variétés à petites feuilles sont quand même plus faciles à réussir en jardinière que celles à grosse feuille. Exactement. Alors Simone, le basilic, qu'est-ce qu'on en fait ? Ah, le basilic, qu'est-ce qu'on en fait ? On peut en faire plein de choses, du basilic. Alors, on peut en faire plein de choses. Effectivement, on a évoqué le principe du pistou, ça, tout le monde le sait, mais on peut surtout aromatiser. Alors, il y a un petit truc sur le basilic, sur l'angle plus utilisation et remède, c'est que si on le fait cuire, il perd quelque part un peu toutes ses vertus. Donc, il vaut mieux, effectivement, le cisailler à la dernière minute, sur son poisson, sur sa viande, sur sa salade. Et puis, si on veut en avoir toute l'année, tiens, comment on fait ? Ça va être un peu compliqué pour l'hiver, même si ça va jusqu'au cycle d'automne. Moi, j'ai un petit truc. Vous faites des glaçons d'huile d'olive. On s'échappe un peu, on repart vers le sud. On fait des glaçons d'huile d'olive. Exactement. Tiens, il faut du froid là pour. Il faut du froid, il faut un petit congélateur. Un petit congélateur, mais il y a un petit congélateur. Et puis ensuite, quand ça va tout simplement fondre au cœur de l'hiver, ça vous fera votre note parfumée. Ah oui, donc avec en fait, on met dans le petit carré, exactement. On met une feuille de basilic, on met l'huile d'olive dessus, exactement. On met ça au congélateur et on obtient donc un glaçon à l'intérieur duquel il y a la feuille. Il y a la feuille et l'arôme. Et du coup, elle est conservée. Et ça, c'est mon petit truc en plus pour faire une salade au cœur de l'hiver, en plein de décembre. Où est-ce que tu as trouvé du basilic ? Je l'avais trouvé en jardinerie, je l'ai planté et il a duré, mais il a duré différemment. Voilà. Alors, vous savez qu'il ne faut pas offrir de basilic aux personnes qui connaissent le langage des fleurs. Parce que c'est la plante qui évoque la haine. On disait que c'était une plante maudite en fait, on associait à la misère, à la pauvreté des gens qui, en fait, étaient vêtus de haillons et qui transportaient le basilic. Alors ça date pratiquement du Moyen-Âge. Alors en revanche, ça peut être intéressant pour certains. En Italie, on disait que le basilic était un aphrodisiaque si puissant qu'il suffisait qu'un homme en accepte une pousse d'une femme pour ne plus jamais se défaire de son amour pour elle. Oh, c'est mignon. C'est beau. Je sais pas si ça s'avère exact, ça on va pas rentrer dans les détails. 7h19, on revient dans un instant. On poursuit sur les plantes aromatiques et médicinales ce matin avec nos invités. Le 32-16, venez avec nous en parler, ou alors par mail, jardin@rmc.fr. Cultivez-vous des plantes aromatiques chez vous ? Avez-vous des petites recettes ? Quelles sont celles que vous cultivez ? N'hésitez pas à nous appeler, on vous attend, on est là dans quelques secondes, à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. Pam pam pam pam. Tu as vu ? J'ai perdu 90 euros depuis le début de l'été. Pas mal ! Moi j'en ai perdu 150. Faut dire que ça te va bien, mon petit four. Pendant les soldes d'été, nos produits perdent du prix. Par exemple, le four encastrable inox Sauter SFP 1501X classe A est à 499 euros au lieu de 649, soit 150 euros d'économie. Profitez de l'été avec Darty. Date des soldes selon décret, dans la limite des stocks disponibles. On finit par l'Australie après un mois en Asie avec les sacs à dos et hop, retour en France. T'as vraiment de la chance. Et comment tu fais pour ta glycémie ? T'inquiète, j'ai tout prévu. J'ai un nouveau lecteur directement connecté à mon mobile. Avec le nouveau lecteur de glycémie OneTouch VarioFlex, vous savez clairement où vous en êtes. Vous pouvez également gérer vos résultats via l'application mobile OneTouch Reveal et continuer à vivre pleinement. Ok, t'as vraiment tout prévu. Je peux me glisser dans ta valise ? OneTouch, à vos côtés pour avancer. OneTouch VarioFlex est un dispositif médical de diagnostic in vitro de live scan. Consultez la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien. RMC, jusqu'à 8h, votre jardin. Votre jardin. Patrick Mulan, François Sorel. Ça sent bon dans le studio d'RMC ce matin. Basilic, thym, menthe, mélisse, lavande. Écoutez, on se croirait dans un petit jardin. Ouais. C'est très agréable. Vous êtes au cœur de ce week-end des experts jardins avec Patrick Mulan et nos invités. On évoque ce matin les plantes aromatiques et médicinales, Patrick. Oui, on va même dire d'ailleurs que si vous n'avez pas beaucoup de place, si vous n'avez pas encore planté, et si vous n'avez même qu'un bout de coin de balcon, c'est le genre de plante que vous pouvez installer vraiment partout. J'avais envie qu'on parle d'une plante, alors moi je l'assimile pas trop à une aromatique, c'est vraiment dans la pharmacopée qu'on la trouve, mais c'est surtout une plante très très intéressante, à la fois sur le plan ornemental et sur le plan biodiversité, parce que ça attire énormément les insectes, c'est la bourrache. Donc la bourrache Borago officinalis pour les amateurs de botanique. D'accord. On en a une ici, donc ça fait des feuilles assez... on va dire velu, mais en même temps un peu rugueuse. Quand c'est au toucher, c'est pas trop agréable. Mais en revanche, ça fait des belles grappes de fleurs bleues qui attirent mais les insectes d'une façon irrésistible. Tout à l'heure, on avait notre auditrice qui se plaignait justement de ne plus avoir d'insectes chez elle. Ça fait partie des plantes peut vraiment mettre... Mais ça attire quel type d'insectes, ça ? Essentiellement les pollinisateurs. Vous avez beaucoup les abeilles, les bourdons qui viennent là-dessus. D'accord. Ah oui, hein. Oui. La bourrache. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une plante qu'on trouvait pas. Enfin, on la retrouve dans les jardineries, mais avant on la trouvait pas du tout. Surtout en pot. Surtout on en trouvait en graines. Oui, voilà. Plus en graines, parce qu'on était justement dans ce type de plante mellifère qu'on appelle, qui attire les abeilles. Donc la bourrache, on va la planter. Alors moi, je vais la conseiller plutôt dans le jardin, parce que c'est une plante quand même qui a tendance à se développer fortement. D'accord. Qui prend ses aises. Voilà, qui est un port plutôt noble d'ailleurs, et qui a, je dirais tant mieux, c'est qu'elle se ressème très facilement. Oui, parce qu'on est sur une annuelle, voilà. Mais on va avoir l'impression que c'est une plante vivace, parce que une fois qu'on l'a plantée, on la voit. Un très gros port. C'est ce que disait Simone tout à l'heure, c'est une plante qui se promène dans le jardin. Tout à fait, ça se ressème très facilement. En fait, en fin de saison, cette plante va libérer des graines qui vont tout simplement s'envoler tranquillement et qui vont redonner des ampes bleues. Moi, j'adore les blanches, c'est plus rare, mais on peut en avoir aussi. Mais je pense qu'elles reviennent au type. Quand elles se sèment naturellement, les blanches, elles redeviennent bleues. Elles redeviennent bleues. Et puis, c'est le composé volatile qui fait l'effet répulsif au niveau de cette plante aromatique, puisque ça se répand, ça sent bon. Et moi, j'ai une tendance à... C'est répulsif contre quoi ? Alors, c'est répulsif par rapport... on y arrive. Moi, je la mets plutôt dans le potager. Pour protéger les légumes. Ouais. Donc du coup, elle a cette fonction-là pour protéger les légumes. Donc entre la tanaisie ou la bourrache, on a le choix. Mais autour de mes tomates, moi, je mets de la bourrache. Oui, mais en même temps, comme ça attire les pollinisateurs, ça favorise la pollinisation des tomates. Après, aussi. Ce qu'il faut savoir pour la bourrache, c'est quand même l'une des plantes où on peut tout consommer. On consomme les fleurs. Ça, on les trouve généralement dans les restaurants. On les trouve maintenant beaucoup dans les salades de fruits. Les feuilles, ça se mange. Je vois pas qui fait des grimaces, comme des épinards. Il faut bien les cuire. Je suis en train de les caresser ces feuilles. Et justement, ça me rappelle l'origine du nom bourrache, parce que bourrache, ça vient du latin bourra, qui désignait une étoffe grossière. Ouais. Et quand vous touchez les feuilles, on a justement l'impression un petit peu de cette rugosité. Moi, j'aurais pas osé faire. Dans les pays méditerranéens, on mange donc la feuille et les tiges. Non, et on en fait aussi des beignets, du coup, on sent un peu moins l'aspect rugueux. Et là, on passe par la zone friture, forcément. Ah. Il faut choisir. Non, mais en même temps, vraiment, c'est une plante que je vous conseille dans votre jardin et que vous pouvez mélanger avec d'autres mellifères, comme les phacélias, par exemple, ou même les bleuets ou les coquelicots. Ça vous fait une sorte de petit jardin sauvage. Et d'ailleurs, on parlait un peu bio avec David, parce que je sais qu'il est très sensible à ça. Ce genre de plante-là, on met ça dans des endroits où on ne traite pas, évidemment, puisqu'on veut attirer les pollinisateurs. Alors, on veut attirer les pollinisateurs, puis surtout, c'est le départ aussi de cette émission. Ce qui est important, on parle là aujourd'hui de plantes aromatiques que l'on va consommer, fraîches ou en infusion ou dans des glaçons. Après, ce qui est important, c'est surtout d'utiliser des matériaux naturels. Il n'est pas question, bien entendu, d'utiliser quels que soient des produits toxiques et se dire, après, j'ai des belles aromatiques. Donc, privilégier des terreaux naturels, privilégier des matériaux jardinières, pots naturels. Ah, qu'est-ce qu'il faut éviter, alors ? Tous les insecticides, tout ce qui est produits chimiques, c'est pas l'objectif. Bah même les produits naturels, c'est ça. Après, on va dire tous les insecticides, parce que de toute façon, qu'ils soient naturels ou qu'ils soient pas naturels, ils ont le même effet. Sauf comme je disais tout à l'heure, le BT, le Bacillus thuringiensis, qui lui touche les chenilles et qui n'a pas d'action sur les pollinisateurs. Donc quand vous avez de la pyrale du buis, vous pouvez traiter, même si vous avez de la bourrache à côté. Simone, moi je regarde un petit peu les vertus de la bourrache. On dit que c'est une plante qui fait transpirer. On l'utilise souvent, même en Corse d'ailleurs. Tiens, on fait une soupe aux herbes comme légumes fébrifuges, en fait. Ah ouais. Donc pour c'est transpirer une plante drainante. quand on a un rhume, etc. Voilà. J'ai jamais vu ça en Corse, mais bon, je connais pas toutes les. La soupe aux herbes de Corse. Quand vous allez retourner, vous le demanderez dans la recette. Dans le beau maquis, il y a beaucoup d'aromatiques. Oui. C'est vrai, le maquis. Le maquis sent tellement bon. On va revenir justement avec le maquis. On parlera du thym. Oui. Avec certaines variétés qui ne sont en Corse d'ailleurs, le maquis, c'est ça qui est étonnant. On dirait lesquels. Ça, je sais pas trop, mais je sais que c'est le cas. Alors, Madame C, on va la retrouver dans un instant. Bientôt 7h30, la météo, les infos, et on revient. On évoque les plantes aromatiques et médicinales ce matin, le 3216 ou jardin@rmc.fr. Pour nous joindre, bien sûr, on vous attend, à tout de suite. Rejoignez les experts jardins sur leur page Facebook, Votre Jardin sur RMC. Chaque samedi, RMC PMU.fr présente les courses RMC. De 13h à 14h, une heure avec les experts de la Dream Team RMC pour en savoir plus sur les courses hippiques du week-end. Tout à l'heure, 13h, 14h, les courses RMC, le rendez-vous des parieurs hippiques, uniquement sur RMC avec PMU.fr. PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Quand les plus grands joueurs européens rencontrent la meilleure compagnie aérienne d'Europe, c'est avec fierté que nous sommes sponsors de l'Euro 2016. Vous êtes passionné de foot et vous soutenez l'équipe de France? Prenez une photo, partagez-la avec le hashtag EuropeBest et tentez de gagner votre place pour assister à un match de la France. Turkish Airlines. Antoine gère ses démarches juridiques avec LegalStart.fr. J'ai une boîte de conseil en marketing. Quand je me suis retrouvé avec une pile de factures impayées, on m'a conseillé le site LegalStart. En 5 minutes, j'ai pu lancer une procédure de recouvrement. Il s'occupe de tout et tu payes qu'en cas de succès. Pour toutes vos démarches juridiques, rendez-vous sur LegalStart.fr. Et si on parlait véhicule d'occasion ? Désolée, j'ai dû chercher une place pour garer ma Clio d'occasion, garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus. T'inquiète. J'ai eu l'impression que ça prenait 3 heures. 3 heures ! À propos, je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec ma Clio d'occasion. Ouais, tu m'as dit, ouais. Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fiers de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2015, offre réservée aux particuliers pour 1€ de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur Renault-Occasion.fr. Christine Peña est avec nous dans ce studio transformé en jardin. Oui, pour c'est la agréable, c'est vrai, sympa, bon. Ça sent bon. Hein. C'est super, ouais. J'adore. Et on jette un œil avec vous sur la météo de ce week-end. Moins super. Merci. Alors, Christine, à bientôt. Voilà, petit arrosage, comme pour le basilic par exemple, alors du nord à la région parisienne jusqu'à la Normandie, l'Auvergne. On aura quelques averses, on aura quelques éclaircies quand même. Les éclaircies, c'est surtout sur les littoraux, que ce soit sur la Méditerranée avec du vent qui chasse les nuages, également sur l'Atlantique avec des éclaircies qui vont entrer dans les régions jusqu'au Limousin, le nord des Landes également, la Gironde, le Poitou-Charentes, le Sud-Bretagne, et des éclaircies également sur le long des côtes de la Manche. Sinon, à l'intérieur du pays, beaucoup de nuages. Là où les orages vont encore sévir, c'est sur ces 14 départements qui sont en vigilance orange dans le nord-est, de la Bourgogne jusqu'à l'Alsace. Donc faites très attention. Et puis les températures, c'est la chute. La chute, vraiment, on perd 8 degrés à certains endroits, comme à Bordeaux ou encore à Paris. On n'aura pas plus de 20 degrés à Paris, à Tarbes, à Nantes, à Rennes. Nous aurons 23 degrés à Strasbourg, 24 à Bordeaux et Toulouse. Ça nous change de ce coup de chaleur que nous avons eu en milieu de semaine. Nous aurons 18 à Brest et puis encore 33 degrés à Marseille. Et puis demain dimanche, ça s'améliore. Nous aurons de très très belles éclaircies. Même si le ciel ne sera pas tout bleu, on pourra faire des barbecues, promis. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. C'est RMC. 7h30, un point sur l'actualité. Claire Tchekagini, bonjour Claire. Bonjour, quelles conditions pour le divorce du Royaume-Uni? Après le coup de Trafalgar d'hier, Bruxelles planche sur le calendrier de la sortie effective de la 5e puissance économique mondiale de l'Union Européenne. Au-delà de la date de sortie et des relations futures entre le Royaume-Uni et le restant de l'Europe, se pose la question d'une éventuelle contagion à d'autres pays européens. En France, plusieurs voix se sont fait entendre hier pour demander l'organisation d'un référendum, alors que d'autres appellent à une réforme de l'Union. Cet après-midi, midi, les principaux chefs de partis politiques seront reçus par François Hollande à l'Élysée. Des consultations avant son dîner ce soir avec le président du Conseil italien, Matteo Renzi. L'un et l'autre seront attendus lundi à Berlin pour un mini-sommet de crise de l'après-Brexit. Le Brexit qui s'invite aussi dans la campagne des législatives espagnoles alors que le scrutin doit se tenir dimanche. Mariano Rajoy, le chef de file de la droite au pouvoir, s'est posé en garant de la stabilité. Ce n'est pas le moment pour les expérimentations, a déclaré le chef du gouvernement espagnol en faisant allusion au résultat du référendum au Royaume-Uni. Royaume-Uni. Près de deux mois consécutifs de baisse, le chômage de nouveau en légère hausse, plus 0,3% comparé au mois d'avril, soit 9200 inscrits supplémentaires. Parmi eux, près de la moitié de jeunes. Mais sur trois mois, la France compte plus de 70 000 chômeurs de moins. À Marseille, deux morts et une adolescente de 14 ans grièvement blessée. Bilan des règlements de compte dans les quartiers nord hier soir. La jeune fille aurait été touchée par une balle perdue. Elle est inconnue des services de police alors que les deux autres victimes abattues dans leur voiture étaient impliquées dans des affaires de stupéfiants. Rugby, un match intense. Une équipe réduite à 14 joueurs dès la 18e minute de jeu et finalement la victoire pour le Racing 92 qui jouait la finale du top 14 face à Toulon. Résultat 29-21. L'Euro, J-1 pour les Bleus. Encore une journée d'entraînement et de repos avant d'enfronter l'Irlande à Lyon. Coup d'envoi demain à 15h. En attendant, les supporters des tricolores devront se contenter des premiers huitièmes de finale. Suisse-Pologne à 15h, Pays de Galles contre Irlande à 18h et à 21h, le choc Croatie-Portugal. Il a 14 000 ans, il mesurait à l'ère glaciaire 3,50 m de haut et 5 m de long et pesait près de 5 tonnes. Un mammouth est en train d'être déterré au nord de Mexico. Le squelette de la bête sera ensuite reconstitué et exposé. 7h32 sur RMC. Tout de suite, les experts et François Sorel. Merci beaucoup Claire. On vous retrouve tout à l'heure à 8h. Et d'ici là, nous allons évoquer notre deuxième partie de ce rendez-vous jardin. On est au cœur de ce petit jardin dédié aux plantes aromatiques et médicinales avec nos invités Patrick Miolan. On vous attend au 32-16. À tout de suite. Retrouvez tous les shows d'RMC en podcast sur rmc.fr. Monsieur Miu Miu, attention. Une question de Maryse de Marseille et c'est la question flash. En moins de 2 minutes, vous vous engagez à y répondre. Pouvez-vous me conseiller, Patrick, pour réussir à cultiver de la camomille dans mon jardin ? C'est pas très compliqué, hein, parce que la camomille, c'est une plante qui se sème très facilement. Alors, sème bien les sols pas trop riches et un petit peu drainants, donc un peu secs. Ça ressemble vraiment à une marguerite, la camomille. Alors, on en cultive essentiellement deux espèces, mais qui sont difficiles à distinguer, la camomille romaine et la camomille allemande. Ça a exactement les mêmes propriétés. Alors, je rappelle que la camomille, là, on est complètement dans notre thème. C'est une plante qui est très, très utile au niveau digestif. Et on va la semer au printemps et ensuite ça a tendance un peu à se promener aussi dans le jardin et même à devenir un tout petit peu envahissant. Alors c'est une plante qui est originaire des régions méditerranéennes, donc dans les régions du nord ça peut peut-être donner moins de bons résultats, bien que la camomille allemande, vu son nom, elle est un peu partout dans l'Europe, on la trouve un petit peu partout. Alors c'est une plante qui pousse quand même près du sol, hein. Ça a tendance quand même à s'étaler, et les fleurs, quand elles commencent à éclore, ça a un parfum qui rappelle un peu la pomme. C'est assez étonnant comme plante, hein. Mais c'est plutôt joli, hein, je dirais. Alors on l'utilise aussi en viticulture, on a tendance donc à avoir une plante qui aide à éviter la chlorose phérique sur les vignes parce que en fait elle dégage de l'azulène qui est une huile essentielle et qui régule l'évapotranspiration de la vigne. Vous voyez, c'est un peu complexe, mais c'est une plante qui est extrêmement intéressante. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser? Bien sûr les capitules, c'est-à-dire donc les inflorescences qui sont solitaires et qui apparaissent de juin à septembre, qui sont blanches avec un cœur jaune, et on va en faire tout simplement de la tisane. Et 32-16 hein, pour toutes vos questions jardin, on vous attend. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, jusqu'à 8h, votre jardin. Votre jardin. Patrick Mulan, François Sorel. Alors, on n'attend pas Patrick? Et oui, on l'attend. Il est toujours là le samedi matin entre 6h et 8h. Monsieur Miu Miu ! Oui, monsieur François, alors... toujours ces bonnes odeurs, voilà, dans ce toujours studio. Ces bonnes odeurs d'aromatiques. On a évoqué le maquis, alors on peut pas s'empêcher d'essayer d'aller dans des plantes que l'on va trouver par là. On parlait du maquis corse, alors il y a une menthe qui est la menthe corse, qui est une menthe extraordinaire. Je pense que c'est la menthe la plus parfumée qui existe, Simone, la menthe corse. Oui, c'est la menthe la plus parfumée. Elle est pas très haute, d'ailleurs. Oui, elle rampe. Tapis, ouais. C'est un petit tapis qui rampe, donc ça peut habiller un talus très facilement. Mais il nous faut un peu de soleil, c'est pour ça qu'on se retrouve dans le maquis corse. Ça qui est chaud, là. Ça qui est chaud. C'est pas facile à Paris de faire pousser de la menthe corse. On peut y arriver, en Normandie, on peut y arriver, mais il faut avoir un peu de patience. Voilà, hein, c'est la menthe, voilà, la menthe verte, ça pousse tellement facilement. Mais moi, c'est je préférerais la menthe poivrée, d'ailleurs. David? Alors après, c'est une question d'appréciation, de goût. C'est vrai que la poivrée est un peu plus, définition, voilà, plus piquante, si je puis dire. Non, mais c'est ça qu'on met dans le thé à la menthe, par exemple, la menthe poivrée. Alors, c'est... la menthe poivrée, il y a la menthe marocaine aussi. Spécifique, voilà, qui dégage beaucoup d'arômes également, notamment pour le thé. Alors, il y a une menthe aussi qui est intéressante, parce que tout à l'heure vous parliez qui repousse les insectes. Il y a la menthe pouliotte. Ah oui, pouliot. Oui, mais alors c'est pas une vraie menthe. C'est pas une vraie menthe, mais on la qualifie et qui a la particularité donc d'éloigner également les insectes un petit peu indésirables. Ah oui. Oui. Dans le potager, ça aussi. Dans le potager. Avec la bourrache. Avec et la en bord et les capucines. Pas qu'ils vont les attirer là. En bord de fenêtre. Alors là, c'est plus les fourmis, voilà, notamment. Ah, ouais, un petit peu les moustiques aussi. Donc c'est intéressant cette petite menthe parce que voilà, on la trouve pas souvent en jardinerie, nous on en a. Donc ça mérite d'être planté, voilà, dans un pot ou dans le jardin. Voilà. Et puis le parfum est un peu particulier, hein, il est un petit peu différent. Il faut pas s'attendre à sentir de la menthe. De la menthe, exactement. En revanche, il y a une plante qu'on confond souvent avec la menthe, c'est la mélisse. Alors, qui a une odeur un peu plus de citronnelle, d'ailleurs, la mélisse, mais ça ressemble un peu dans sa végétation à de la menthe, et ça, c'est assez envahissant. D'ailleurs, la menthe verte, on l'a pas dit, mais vous en achetez un pied seulement, hein, ou alors vous le mettez en pot, d'ailleurs, si vous craignez que ça soit un peu envahissant. Ah oui, parce qu'après, ça se multiplie, c'est ça? On pense en avoir un peu partout. Hein. C'est assez traçant. Donc, nous, on la conseille plus en pot, jardinière, ou vraiment dans un coin de jardin où il n'y a pas grand chose qui puisse pousser. Parce que ça, on est sûr que ça va bien s'implanter, et c'est parti. Alors, la mélisse, ça pousse tout seul, Simone. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, on peut faire beaucoup de choses avec la mélisse. On peut d'abord l'utiliser dans la cuisine. Ça donne un goût, effectivement. C'est une des plantes qui est les plus concentrées en huile essentielle de citron, notamment au printemps, puisque c'est quand elles sont en petite pousse que l'huile est plus concentrée au niveau de la tige. Mais également, ce qui est très intéressant, c'est que cette plante, imaginez que vous ayez un insecte pollinisateur qui passait par là dans le jardin auprès de votre balcon et que vous fassiez piquer. D'un seul coup, vous prenez une petite feuille de mélisse, vous la froissez, vous la frottez légèrement sur la peau et ça calme immédiatement la douleur. Tiens. Sur la piqûre d'abeille. Sur la piqûre. De guêpe, d'abeille. Alors bon, guêpe, abeille, si on en est là, arrivé là, il va peut-être falloir envisager d'enlever quand même le dard de voilà. Mais moustique, ça calme également. Tiens. Donc ça calme, et ça calme d'ailleurs les fibres lisses au niveau des intestins. Donc c'est une plante qui est très intéressante sous l'angle digestif. Puisque Une petite recette. Oh ben la petite recette, on l'utilise toute seule parce que la mélisse en soi, c'est déjà tout un univers. On va la manger comme ça ou on fait une infusion? Alors, on peut faire ou une infusion ou une décoction. Une décoction, c'est un départ dans l'eau froide, c'est tout simple. Pourquoi la différence réside simplement dans le fait de libérer plus de principes actifs. Et si on veut libérer plus de principes actifs, à ce moment-là, on va utiliser la décoction. Parce qu'on va laisser macérer la plante au moins 10 minutes et la filtrer, bien évidemment. Pour les plus amateurs... Donc en fait, on prend de l'eau froide, on met la plante dedans, on porte à ébullition... On coupe, on stoppe 10 minutes et ensuite on filtre. Voilà. Si on veut aller dans une fonction plus rapide et après un déjeuner, léger ou pas d'ailleurs, pourquoi pas agrémenter ce déjeuner avec une petite infusion. Et là c'est beaucoup plus facile puisqu'on peut tout simplement verser de l'eau chaude dessus. Et comme un principe d'infuser, on infuse 7 minutes. Alors 7 minutes pour les principes actifs des plantes, pas 2 minutes, hein, ça va pas aller. Même température de l'eau, c'est important la température alors, de l'eau. La température de l'eau, ça peut être important pour les puristes. Alors oui, on va passer pas à l'ébullition complète. Donc on va s'arrêter à 90 degrés. Mais c'est quoi? C'est le frémissement. C'est le frémissement par-dessus, au-dessus de la plante. Alors aujourd'hui, les bouilloires, elles sont bien parce que vous pouvez programmer, sélectionner la température. Voilà, on peut tout faire, voilà. Oui, mais bon, ce qui est intéressant aussi, et je vais le redire là, c'est que au niveau des principes actifs, puisqu'on en parle, il faut essayer de les préserver. On est des plantes de qualité là aujourd'hui dans le studio. Il faut savoir quand même qu'il faut éviter de les filtrer avec une passoire à métal, par exemple. Parce que ça, on va bloquer. Bah c'est ça, on va réduire le principe actif de la plante. On va le bloquer parce qu'il va se retrouver opposé. C'est quoi, c'est le plastique qui est mieux? Absolument pas. Ce qui est mieux, ça serait plutôt une petite passoire en bambou. Ou alors, terrible. Et d'ailleurs, pourquoi filtrer? Mais pourquoi pas essayer de... Dans un linge, ou dans un filtre en coton, une mousseline, non blanchie à l'eau de Javel, si possible. Terrible. Non, c'est facile. On retourne au Moyen-Âge, là. Mais presque. On est dans le carré des simples. Voilà. Mais les simples sont pas si simples. Non, les simples sont pas si simples. Alors, on va parler, puisque vous évoquez les simples, on va parler de la sauge. Oui. Mais alors, vous savez quoi? Avant de parler de la sauge, vous savez que priorité aux auditeurs. Bien sûr. Et notamment aux auditrices, nous avons Anne-Marie, qui a une question pour vous. Ça, c'est une bonne question. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue. Merci. J'ai un problème. J'ai toujours vu de l'estragon dans la famille. Oui. Des touffes énormes. Oui. J'en avais moi-même le long du mur comme ma grand-mère, de façon à se protéger le maximum. Et depuis quelques années, impossible, les taupes ou les mulots... On soulevait l'estragon. Oui, ils retirent tout. Bah, il faut le déplacer, il faut le mettre ailleurs. Ah ben, bah, je l'ai déplacé. Et ils sont revenus ? Ils sont... Il y a un champ à côté où il y a pas mal de taupes. Ah, on oui. en a retiré des taupes, je ne sais pas combien. Et puis, il y en a toujours. Il y a des circuits sûrement qui leur plaisent. Oui, en fait, votre problème, il est plus de taupes que d'estragon, parce que... Parce que l'estragon, est-ce qu'on peut vraiment bien le mettre en pot ? Ah oui, David. Oui, il y a pas de souci. En plus, l'estragon, c'est quand même une plante. Voilà, quand elle se plaît, elle s'enracine plutôt bien. Et quand elle aime pas, elle aime pas du tout. Et c'est un peu compliqué. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est pas aussi simple que cela. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le bon estragon, celui qui a vraiment cette odeur très puissante, très originale, qu'on retrouve dans la sauce béarnaise notamment. On en a que des pieds. Hein, ça ne se sème pas. Non. Les graines d'estragon qu'on peut trouver parfois sont de l'estragon de Russie qui n'a absolument rien aucune à voir. Odeur. Tout à fait. Ah non. Et là, c'est une armoise en fait l'estragon. Donc c'est pour ça ce que disait David. C'est vrai, c'est que la plante s'enracine bien ou pas. Mais quand elle s'enracine bien, ça fait un truc bien. C'est... Alors faut pas hésiter à la tailler non plus, parce que ça vieillit mal. L'estragon, ça vous fait des espèces de tiges là qui commencent à s'alanguir, et puis après il y a quelques feuilles au bout. Bon, on retaille et puis ça redémarre. Mais dans votre cas, Marie, c'est plutôt un problème de taupe, de mulot que d'estragon, hein, parce que bon, qu'est-ce qu'on leur donne comme terrain normalement je le mettais dans le terrain, donc c'était la terre toute bête. Oui, voilà. Mais pour en pot, il faut un peu de terrain. Il faut quoi? Bon, on met toujours un peu de terreau dans les pots, parce qu'il faut arriver à avoir un équilibre entre la rétention en eau, l'aération. Donc c'est quand même assez compliqué, parce que c'est exactement antinomique. Mais on met un mélange de terre et de terreau, par exemple. Surtout là, s'il est en jardin, donc on va remettre un peu sa terre d'origine. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est s'il y a des tops, certainement que vous avez un sol relativement humide. Et riche. Tant mieux. Trop riche du point de vue des herbes. Bah oui, mais tout le monde se plaît bien. Non, mais là, vous décrivez exactement ce qu'on vous dit. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez un sol riche, bah, vous n'avez pas que les plantes que vous avez envie de cultiver. Tout le monde vient parce qu'on se dit, c'est là qu'il faut pousser. On parlait tout à l'heure de basilic. André veut évoquer aussi sujet. Visiblement, il a des problèmes avec des fourmis. Et le basilic. Bon, on va rentrer dans les détails dans un instant. Patrick, ne faites pas cette tête, c'est pas grave. Bah, je le sens songeur, Patrick. On vous entend pas en plus, Patrick, c'est normal. Patrick parle, mais il éteint le micro. Donc, alors qu'on est toujours à l'antenne, c'est ça qui est rigolo. On revient dans un instant, 8h moins le quart, le 32-16, ou bien jardin@rmc.fr. N'hésitez pas à nous joindre ce matin, à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis chez Lidl là. Dis quoi encore? T'as pas la pêche? Bah c'est ça, par contre ici ils ont la nectarine. Hein. Je dois rigoler peut-être là. Oh non, désolé, mais quand aujourd'hui ils nous font la barquette d'un kilo de nectarine origine France à 1,69€, le moral en prend un coup. 1,69€ la barquette d'un kilo de nectarine. Ah pour le coup, ça vaut le coup. Ah, si vous faites de la pub pour Lidl, patron, là on est mal. Hein. Ah, on est très mal, je sais. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,69€ le kilo, catégorie 1, calibre 56-61, chair jaune ou blanche selon magasin, origine France. Slip de bain, check. L'écran Total, check. Et le plein de Total Excellium, check. De quoi? Total Excellium, le carburant qui décrase ton moteur quand tu roules. Non. Si, avec jusqu'à 93% d'encrassement en moins dans le moteur. Mais c'est génial. Hey, check, check. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur, kilomètre après kilomètre. Par rapport à un carburant non spécifiquement additivé, test réalisé en 2013, les résultats peuvent varier en fonction du type de véhicule. Plus d'informations sur total.fr. L'énergie, notre avenir, économisons-la. Maman, je peux partir en week-end chez Victor? Oui, et ton nouveau lecteur de glycémie? T'inquiète, je l'ai, et je gère sur l'appli. Avec le nouveau lecteur de glycémie OneTouch VarioFlex, votre enfant sait clairement où il en est et peut suivre avec vous ses résultats via l'appli mobile OneTouch Reveal. Vous gardez un œil sur sa glycémie et lui apprend à gérer de façon autonome pour continuer à vivre pleinement. On sera hyper connectés. Ouais, enfin, pas trop. OneTouch, à vos côtés pour avancer. OneTouch VarioFlex est un dispositif médical de diagnostic in vitro de live scan. Consultez la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Pam palam, pam palam. T'as vu? J'ai perdu 150 euros depuis le début de l'été. Faut dire que ça te va bien, mon petit ordi. Oui, je trouve aussi. Pendant les soldes d'été, nos produits perdent du prix. Par exemple, le PC Acer Aspire 5 équipé de Windows 10 avec son grand écran tactile, son processeur Intel Core i3 et sa carte graphique dédiée est à 499 euros au lieu de 649, soit 150 euros d'économie. Date des soldes selon décret. Offre valable dans la limite des stocks disponibles sur le Acer Aspire E5 573 TG 36 SR. Windows 10, faites les choses en grand. RMC, le week-end des experts. Votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Allez, quelques minutes encore dans le jardin, avec ce studio qui est vraiment transformé en petit jardin, avec des plantes aromatiques et médicinales. C'est très agréable, ça sent très bon. Jusqu'à 8h, Patrick Mulan est à mes côtés en compagnie de nos invités. On attend vos questions au 3216, jardin@rmc.fr, et André est avec nous. Bonjour André. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour André, bonjour. Merci d'avoir pris mon appel. J'ai un petit souci quand je sème, notamment basilic ou autre plante aromatique, je suis dévoré par les fourmis, les graines, j'arrive pas à en garder une en terre. Donc, je voulais savoir s'il y avait un produit particulier ou une méthode particulière pour essayer d'éliminer, pas de les éliminer ou de les repousser, disons. Bah, c'est-à-dire qu'on n'a plus grand-chose comme poudre insecticide comme on utilisait dans le temps pour mélanger avec les semences. En plus, mes amis que j'ai invités aujourd'hui vont m'arracher les cheveux et les yeux si je continue à parler de cela. Donc je vais leur donner la parole et je vais demander à David ce qu'il en pense et comment il David pourrait... David a mis un petit t-shirt vert en plus. Voilà, David, un couleur aromatique. Voilà. Un t-shirt vert. Donc je rappelle, David est directeur du magasin botanique de Suresnes, et botanique est une chaîne de magasins qui est dans le bio depuis quand même pas mal d'années. Tiens, 67. 67. Et il y en a un qui est ouvert dernièrement à Rueil-Malmaison. Rueil-Malmaison, très bien. D'accord. Alors David, quel est le remède miracle pour empêcher les fourmis de dévorer les graines dans les semis? Parce que là, on parle de basilic, mais ça le fait aussi souvent, par exemple, sur le gazon. J'ai vu souvent des fourmis transporter des quantités de graines de gazon. C'est dingue. On a mis des colonnes comme et ça. Alors, j'ai envie de dire, il n'y a pas de solution miracle en tant que telle, puisque du fait qu'elles transportent les graines, c'est que voilà, elles ont leur couloir et c'est parti. Par contre, il doit y avoir une fourmilière quelque part. Voilà. Donc déjà, c'est aussi d'aller trouver tout de suite la fourmilière où elle se situe pour là mettre. Aujourd'hui, il existe des pièges et des pattes qui vont appâter et nourrir donc les fourmis et détruire cette fourmilière. Mais est-ce qu'on peut mettre par exemple de l'eau chaude ou des trucs comme ça? Ça, c'est plus bio que l'eau chaude. Alors l'eau chaude, c'est naturel. Après l'eau chaude, on peut pas dire que ce soit non plus quelque chose d'écologique, parce que l'eau chaude a le mérite de ne pas, je dirais, faire la différence entre une fourmi et puis une faune ou une flore plutôt sympathique du sol, vous voyez. L'eau chaude est un très bon désherbant. Par contre, il désherbe tout. Donc, y compris la microfaune. Voilà, donc on le conseille pas trop. Donc c'est plutôt aller chercher la fourmilière. Après, bon, généralement, quand il y a des fourmis, ça signifie, alors bon, pour ce qui est de transport de graines, un peu moins, mais ça signifie qu'il y a d'autres insectes. Généralement, vous en parliez tout à l'heure, ce matin, c'est les insectes porteurs de miela, donc les cochenilles, les pucerons. Les pucerons, il y en a fréquemment sur le basilic. Ah, c'est rigolo, parce qu'il faut savoir quand même que les aromatiques sont des plantes qui ont développé justement ces huiles essentielles pour se protéger de leurs ennemis. Mais les ennemis se sont aussi adaptés. Et voilà. Et donc on voit comment fonctionne la nature. Mais je voyais Simone qui disait, elle avait un truc là pour oui, alors, beaucoup plus doux pour les fourmis, une méthode un peu plus douce, parce que l'eau chaude, ça marche très bien, surtout l'eau chaude des pommes de terre pour enlever les mauvaises herbes. Donc l'eau chaude des pommes de terre. Oui, la cuisson des pommes de terre. La cuisson des pommes de terre. C'est un vieux truc. Honnêtement, faut pas avoir de trop de mauvaises herbes. Vous savez, quand il fait comme ça, c'est-à-dire qu'il faut des grandes bassines. Non, on revient aux fourmis. qui travaillent et qui font ces galeries. Je pense que c'est intéressant sur de repérer leur parcours, ça se voit très vite. Et en fait, si vous avez simplement un demi-citron et vous mettez quelques gouttes, ou vous le calez dans un angle de porte, c'est pas très joli, mais après on l'enlève. Mmh. Et ça, ça va permettre de les éloigner et leur détourner du chemin. Donc si particulièrement vous venez de faire un semis, vous n'avez pas du tout envie de partager ça avec vos fourmis. Elles n'aiment pas le citron. Elles n'aiment pas le citron. Quelques gouttes de citron sur le chemin. Sur la rangée de graines. Ou sur la rangée de graines, non, parce que sur le chemin, des fourmis, ça les éloigne. Et puis alors, le truc pour la fourmilière, parce qu'il faut les nourrir, ces petites fourmis, ce sont des fourmis travailleuses, c'est très utile, bah, c'est le sucre. Elles sont gourmandes. On va leur donner du miel. Elles sont tellement gourmandes que si vous mettiez du sucre sur une souche d'arbre, Elles viendront naturellement et elles vont grignoter tout ça. Donc elles n'iront pas à notre endroit. Une fois qu'elles auront terminé, elles viendront. Il faut les nourrir, il faut s'en occuper. C'est un élevage de fourmis. On fait l'inverse que ce qu'on veut. Il faut vivre en harmonie avec la nature et les fourmis font partie de la nature. Voilà. La naturalité jardinière. Juste rapidement, avant de parler de la sauge. La question de Catherine qui nous dit, est-ce que vous avez une recette de plantes pour éviter les migraines? Alors, évidemment, on n'est pas là durant une consultation médicale, hein. Est-ce que vous avez un remède miracle, Simone? Alors, le remède miracle, alors les éviter, ben, généralement, elles arrivent. Et une fois qu'elles sont là, il faut pouvoir les traiter. Alors, les traiter, en tous les cas, se soulager. Donc, c'est un petit remède. J'ai un petit truc. On a parlé de la menthe tout à l'heure. La menthe, elle est souveraine. Pourquoi? Parce qu'elle permet de faire une meilleure circulation. Et donc, en fait, il faut froisser des feuilles de menthe et éventuellement se les frotter sur le côté des tempes. Oui. Donc, ça, c'est extrêmement naturel. Ah oui, mais de l'alcool de menthe, on faisait aussi. Alors, ça, des extraits. Et des extraits de menthe aussi, bien évidemment. On le prenait sur du sucre, c'était quand on était petit. Et on peut également se faire 2-3 tasses de tisane de menthe poivrée dans la journée. Infusée. Ouais. Alors là, si on a la migraine, on passe à la décoction. Hein. Ça va plus vite, c'est le principe actif. Donc on repart si on fait une infusion d'eucalyptus, par exemple, de choses qui se sentent fort comme alors ça. Alors là, l'eucalyptus, plutôt au niveau des bronches, ça monte un peu dans le cerveau, c'est fort. Mais bon, la menthe, vraiment, et d'ailleurs, il y a un vieux produit qui était avec une petite base en bois de menthol qu'on frottait comme ça sur le côté des tempes, qui est encore en vente en pharmacie. Donc il faut retourner voir son pharmacien. Attenté, il l'a encore à tenter et ça marche très bien. Parfait, on parle de la sauge pour terminer. Oui, je voulais quand même demander à David s'il faisait des ateliers un petit peu sur ce genre de remèdes et tout ça dans les magasins de temps en temps. Alors il nous arrive, mais pas encore, mais c'est des choses auxquelles on pense beaucoup, puisque on est en train de retravailler justement nos magasins avec justement ces coins faire des travaux pratiques où on a redimensionné d'ailleurs tout le potager et les aromatiques, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est quelque chose aussi où voilà, comme on disait au début de l'émission, où c'est très facile, quoi, c'est très facile d'accès pour les enfants, on peut en avoir partout dans sur le balcon, dans le jardin, dans la cuisine, on peut tenir pendant quelques semaines un pot aromatique. On peut acheter un pot notamment de basilic et puis le consommer. Et puis après, voilà, aujourd'hui, vous avez des lampes qui vous permettent de cultiver dans la maison vos plantes aromatiques. C'est vrai que c'est souvent le manque de lumière. C'est le manque de lumière, parce que après vous avez de l'eau, ça suffit, la plante se suffit elle-même. Donc voilà, donc en tout cas, c'est des choses qui sont en train d'être pensées. De se développer. Alors on va parler de la sauge, parce que en latin, enfin en botanique, la sauge c'est salvia. Salvia, ça vient de salvare, qui veut dire donc qui guérit, et ça a été pendant des siècles la plante des guérisseurs. Et en même temps, aujourd'hui, on l'utilise aussi comme plante aromatique, parce que un petit rôti de veau à la sauge, c'est vraiment très très agréable. Alors, mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'on fait avec de la sauge? Alors, on disait effectivement plus communément à l'époque, quand on avait de la sauge dans son jardin, qu'on n'avait pas besoin de médecin. Alors, qu'est-ce qu'on fait plus communément avec de la sauge? On fait effectivement des infusions. Alors, cette plante, elle est particulière, parce que c'est une plante œstrogène-like. Donc, elle libère aussi plus que des principes actifs, puisqu'elle a carrément un parallèle par rapport au système hormonal. Donc, on peut utiliser cette sauge, notamment pour un effet calmant, le bienfait digestif, et la consommer aussi en effet tonifiant, parce qu'elle est très bonne en association sauge, romarin, thym. Le matin, c'est extrêmement tonifiant. Quand on est fatigué, au cœur de l'hiver, c'est parfait. Mais c'est pas bon.